Toronto di Bruno. Yeah, all I want again, to be to fly. Bon, plus sérieusement, c'est un podcast. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue dans ce podcast épisode... 6. Exact. Sur Shotgate Evolution. Ah bon. Par Bru et Instinct. Tout à fait, c'est nous. Donc Bru, c'est lui, et... Non. Instinct, c'est lui. Tes cartes encore. Mes cartes. Mais oui, mes dépens, nos amis. Oh là. Alors, ça va promettre. C'est sûr, c'est mal parti. Alors, on vous explique un peu cette ambiance de folie. Ouais, soir, il y a une raison pour ça. Exactement. Ce sont les 5 verres de vin que Bruno a... Non, chut, faut pas leur dire ça. Ah pardon, faut c'est vrai. Faut pas leur dire ça. Ok, ne pas dire embarré. Ouais, non mais heureusement qu'il y a Internet et Word pour faire passer des messages, parce que même avec ça, ça reste pas clair. Bah, étant donné que tout se passe à distance, Internet est quand même bien utile. On est d'accord. Sauf que, on a plein de surprises ce soir pour vous. Sauf qu'il y a, voilà, il y a des surprises. Voilà. Bon, ouais, j'allais le dire, mais là tu m'as... Non, faut le tenir, on explique un peu le contexte général de ce soir. Faire monter la pression, monter l'ambiance. Exactement. Pour que ce soit un petit peu comme une récompense de la part des éditeurs, pour pas qu'ils aient tout dès la première minute. On est d'accord. Un petit peu comme... Pardon. Jumpgate. Ah oui, Jumpgate, d'accord, on voit. C'est un peu le thème de ce soir, de toute façon. D'accord, très bien. Alors, qu'on vous explique un peu cette soirée, ce podcast, cette ambiance. On vous fait un podcast semi-direct. En gros, on ne coupe rien. Hein. Semi-direct. J'ai inventé, je pense que je vais poser un brevet d'ailleurs. Semi-direct, c'est qu'on enregistre, on ne diffuse pas en même temps, mais comme on ne coupe pas... Il n'y aura pas de passage de passe pour éditer des morceaux exactement. De blanc. Exactement. C'est-à-dire que là, si on fait un blanc, par exemple, c'est un blanc en direct. Exactement. C'est un vrai blanc. Donc, c'est normal. Il ne faut pas croire. Tous les autres podcasts qu'on a enregistrés avant, il y avait quand même des moments où... Il y a eu des... Dans le bêtisier, il y avait des moments où on devenait parfois un petit peu bizarre. On s'attendait, là, sur la... On est d'accord. Donc, le seul montage qu'il y aura, c'est pour mettre une musique de fond, quand même. Ouais. Hein, parce que quand je me gratte la barbe ou tout autre bruit ambiant, bon. Hein, donc, c'est toujours plus agréable d'avoir une petite musique de fond. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on fait un podcast à huis clos, c'est-à-dire que vous n'aurez que Instinct et moi-même sur ce podcast. Nous n'avons pas de public, nous expliquerons pourquoi plus tard, un souci technique. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des surprises, plein de surprises ce soir. Plein de surprises, en rapport avec Jumpgate Evolution, c'est toujours mieux. Mm-hmm. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Bon. On peut commencer par une première surprise? Commençons par la première chose. Voilà, alors, comment on l'a fait celle-là? On tire, on lance une pièce, pile ou face? Ouais, non, j'en ai pas sur moi. Qu'est-ce que... On va le dire. Allez. Soit exceptionnellement, nous sommes ensemble. Attendez. je les connais, oui. Ils interprètent mal. Mais toi aussi, ça t'apprête pas, alors il y a ça, tu t'es arrêté. Non, mais j'ai marqué une intonation, mais pour fêter le coup, quoi. Il fait chaud subitement. Non, alors j'entends pas ensemble, nous sommes physiquement dans la même pièce. Arrête, il y a pire là. Du coup, vous l'entendez c'est peut-être. Ce qu'il veut dire, je vais te reprendre parce que ça va. Tu vas me reprendre. Oh, mais ça suffit. Bref, donc pour garder notre calme et que ça devienne pas n'importe quoi comme les autres podcasts, c'est ça. Fait des petits signes en arrière-plan. Ouais. Juste pour dire que j'ai pris une semaine de vacances et je suis allé rendre visite à Brugnard, chez lui, à la maison, pour préparer ce podcast, pour parler de Jumpgate et profiter de son super jardin dans la Vendée. C'est vraiment agréable. Donc voilà, c'était ça la première surprise pour dire que c'est un podcast où on est tous les deux l'un à côté de l'autre, en train de se réagir beaucoup plus rapidement et c'est sympa. On peut discuter de Jumpgate un petit peu, on peut préparer le podcast, on peut partager nos émotions. Donc c'est le premier podcast qu'on fait comme ça, on est l'un à côté de l'autre. Exactement. Ouais. Donc moi je suis très content que tu sois là en tout cas. Ça me fait beaucoup plaisir après ces deux années à se côtoyer sur un logiciel nommé Skype. Hein, c'est bien pratique, mais ça fait pas tout non plus. Tout à fait. Donc on va pas raconter notre semaine avec les filles de joie, les tonnes de vin, bon ça on va pas le raconter. Par contre, on peut. La de bière. Bon, la de bière. Très bon. Très bon. On était passé de pas en prendre ce soir parce que sinon ça aurait été. Ah bah, déjà, je pense que vous avez bien compris que c'était un peu à la one again ce soir. On va dire que les BTR sont meilleurs. Meilleurs pour faire dans le bordel que nous. Hein ouais, parce qu'eux, ils font du bordel, mais qu'ils réussissent. Voilà. Ils sont doués. Ils font ça, ils ont du cœur. Notamment la deuxième taverne spatiale qui me fait beaucoup rire. Très bon, très bel épisode, oui. Très belle parodie du Rire de Brugnard. Avec des clins d'œil. Bon, bah, des clins d'œil en ce qui me concerne, mais il y a. Écoutez bien leurs épisodes parce qu'ils font beaucoup de clins d'œil sur des sérénies, sur. Il y a des petits trucs cachés. Alors, je sais même pas s'ils le font exprès. Parce qu'une fois, je leur en ai parlé, je leur ai dit félicitations pour ce détail. Ils étaient même pas au courant que c'était. Donc, bon, est-ce que c'est fait exprès ou pas? C'est le secret BTR, je pense. Tout à fait. Pas... C'est un secret à tel point que même eux ne sont pas sûrs. Ils sont pas sûrs. On les laissera s'expliquer à ce niveau-là sur le forum de SkyMate. Voilà. À mon avis, c'est l'effet de bière. Je pense, oui. Je pense qu'ils en consomment un peu trop. Après, on peut pas leur en vouloir. Pour l'instant, ils ont que ça à faire. Ce sont les BTR. C'est, tout. Voilà. C'est leur marque de fabrique. C'est leur signature, on peut dire. Exactement. C'est-à-dire que plus tard dans Junket, quand tu voudras te payer leur service, par exemple pour un contrat, tu vois, une chasse à l'homme sur quelqu'un, tu ne payes pas en crédit. Tu payes en dot. C'est important, il faut le préciser. Ça, c'est la seule monnaie qu'ils acceptent. Exactement. La monnaie, le seul paiement. Le seul paiement. Ouais. C'est du liquide quand même. Ah, c'est du liquide, oui, remarque. C'est pas voulu. Ce n'était pas une vanne voulue. Donc, enchaînons sans transition. Sans transition du tout. Sans transition aucune. On va vous faire un peu le point sur la soirée. Bon, alors, comme on vous l'a dit, plein de surprises, donc ça, on va pas vous le dire tout de suite. Sinon, pas de news du Skyne, parce que tout le podcast, en fait, c'est ça va être la news, quoi. Hein. Donc on va pas faire un truc spécial news du scan pour pourrir le truc. Pas de coupure, pas de montage, tout en direct. Donc on va débattre quoi ? Non, je disais tout en semi-direct. Semi-direct, oui, non, mais je. Non, mais tant que j'ai pas posé le brevet, t'inquiète, tu peux y aller. Ah, oh, bon, c'est bon. Voilà. Quand je m'absente, je vais appeler mon avocat. D'accord. Moi, je vais appeler mon avocat. Donc voilà, bah c'est les joies du direct, hein, on dit un peu tout et n'importe quoi, on coupe pas, donc désolé pour vous chers auditeurs, je pense que quand on sera dans le vif du sujet, ça sera toujours plus intéressant pour vous. On y arrive. Les sujets de ce soir. Alors, je pense qu'on peut pas passer à côté, c'est le 3. Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'informations. Le festival du jeu vidéo en Amérique, qui s'est déroulé il y a quelques semaines sur le... La semaine dernière. Voilà. Ouais, ouais. Bon, le temps que ça soit publié, et peut-être que vous m'écoutez plus tard. Non, c'était il y a 15 jours en plus. Ah. Mais autant pour moi, je m'excuse platement. Ouais, donc en juin 2010, parce qu'il y a des gens qui m'ont écouté en septembre, mais pour eux, je ne sais pas, il y a quelques semaines. En juin 2010, il y avait le 3... À Los Angeles. À Los Angeles, tout à fait. Pendant lequel Junket Evolution était présenté à la presse et à certains fans triés sur volet du forum américain. Oui, alors on peut même préciser triés sur le volet du forum américain parmi les alpha testeurs quasiment. Ouais, enfin, ah. C'est vraiment des gens sélectionnés à la pincette. Quoi. Un peu quand tu grattes au loto mais que t'es déjà pété de thunes en fait. Mm. C'est un peu le même principe. Mais bon, là c'est objectif, hein, tout à fait. Ah oui, alors ce soir, je vais essayer de rester objectif, je l'ai promis. Donc, tout ce qui sera dit de ma part... sera édité purement et simplement. Non, ça, si c'est mes sauf convictions... Sauf que c'est gentil pour Junket. Voilà. Ouais, je l'ai. Si c'est mes convictions personnelles, je le préciserai. Mais tout ce qui sera débattu, j'essaierai de le faire réellement de manière objective et non ironique. Et c'est bien noble de ta part, il faut... Oui, parce que c'est pas l'envie qui me manque d'être très ironique ce soir, mais bon, on c'est pour les auditeurs qu'on fait ce podcast, pas pour moi, pas pour Mathias. Donc, après le 3, nous parlerons de Skynet et des escouades surtout, en fait. Escouades, votre site. On fera un petit point, en fait, sur ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Un bel temps. À terme. Et puis, nous viendrons sur un bout des surprises. Mmh. Donc une partie des surprises, on peut le dire, ça sera des informations inédites qui cassent pas des briques, mais qui sont inédites. C'est important. Voilà. Et puis voilà, grosso modo, la grande ligne de ce soir. Donc là, ça fait déjà un petit moment qu'on discute pour ne rien dire. Si, quand même, on a présenté les titres. On a présenté les titres, on a réussi. Donc on va attaquer, je pense, parce que ce podcast... Et tout le plaisir du podcast Jumgate Skynet, c'est comme un chocolat. Tu enlèves l'emballage lentement, c'est tu te prépares faux. À le consommer. C'est pareil pour le podcast. C'est pas faux. Mais là, vu qu'on va pas l'éditer, celui-ci, j'ai peur qu'il y en ait qui se lasse. Un plomb. Bon, alors passons directement à l'E3. Voilà. Le problème, c'est que j'aurais dû dire, en fait, au tout début de podcast, chers auditeurs, si vous avez peu de temps devant vous, cliquez directement à la 12e minute du podcast. C'est vers là que ça va commencer. Ouais. Bah, à la limite, tu pourras éditer, prendre une petite partie et le citer au début du podcast. Non, non, on a dit pas de montage. Ah, pardon. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de montage. Tu mettras à l'écrit, ceci. Donc là, par exemple, le gros blanc qu'on vient de voir, c'est parce que Brunière a toussé. Hein, juste pour qu'on reste... Ah, ça y est. Le premier de la soirée. Tu vois, ça aussi, c'est une question. J'ai coupé le micro, pourtant. Ouais, non, mais c'est vrai, on n'édite pas, donc à la limite, vaut mieux tousser devant tout le monde. On sait ce qui se passe, quoi. J'allais dire, non, mais c'est sûr. Et où ton objectivité, non, là mais... mais bravo. On me remet en cause dès le début. Mais où va-t-on? Ah là là là là. Enfin, bon, on attaque un peu, quand même. Hein, attaque. On rentre dans le tas. Et dans le tas, j'entends par là Jumgate Evolution. Allez. Je t'en prie. Alors, donc c'était juste pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé à l'E3. Donc toutes ces informations sont surtout tirées des articles qu'on a pu voir dans la presse spécialisée, qui ont eu la chance de voir avec le producteur les changements qui ont été effectués depuis la période de silence qui a été plus ou moins acceptée des fans. Mais bon, il y a eu une grosse période de silence. Là, l'E3, c'était l'occasion de remontrer à la presse et à certains fans les améliorations qui avaient été effectuées sur le jeu et pourquoi il y avait eu ce genre de communication. Donc on a eu quand même pas mal d'informations intéressantes. Oui, alors intéressante est le bon mot, mm-hmm. parce que de manière objective, bon, j'arrêterai de le dire après, promis, il y a des informations positives, mais il y a eu beaucoup d'informations aussi que les fans n'ont pas appréciées. Ben, ça dépend en fait, c'est-à-dire que on a eu quand même un revirement pas à 180, enfin, tu vois, pas à 180 degrés, mais la période Herman Petersek, on pourrait dire, est quand même définitivement terminée. Ah oui, c'est un nouveau Jumgate, c'est plus du tout le même cahier des charges que ce qu'on avait il y a 2 ans. Ça reste quand même le même thème, le même principe. Heureusement. Un niveau spatial type FPS orienté arcade. Heureusement, parce que si de Jumgate Evolution ils étaient passés à Lego Universe, voilà. Ça aurait pas donné la même chose. Mais là, on a donc Lance, le nouveau producteur, qui a précisé qu'ils allaient s'orienter sur un jeu qui était complètement ciblé pour les combats, l'action rapide, s'asseoir dans son siège et tout de suite dans le combat. Oui, tout à fait. Voilà. Alors que Herman avait un cahier des charges plus large, on va dire, avec plus de précision, plus de un éventail large en fait d'actions. Bah en fait, le Jumgate Evolution de Herman était effectivement très complet sur le papier. C'était un jeu qui était prometteur pour attirer un grand public, diversifié en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Sur le papier, encore une fois, beaucoup de choses possibles à faire dans le jeu. Le nouveau Jumgate Evolution, comme tu l'as dit, se concentre sur le combat, et donc il y a beaucoup de joueurs. J'ai en tête certains joueurs qui voulaient faire du transport, de ce genre de choses, des escortes, bah, qui sont déçus, du coup, parce que c'est enlevé, quoi. Dans un sens, on pourrait dire que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on avait, c'était sur le papier. Alors, oui. On peut se dire peut-être que le cahier des charges était justement trop ambitieux. Mais les features, les extensions sont là aussi pour ajouter tout ce qui n'a pas pu être mis à l'origine. Exactement. Tandis que là, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir ce jeu qui est entre guillemets basique. Je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je dis basique parce que ça va rester du combat. Bah, on sait pas. Tout ce qu'on sait pour l'instant, oui. C'est que la communication a été axée très fortement sur le combat. En effet, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le jeu n'est encore pas fini, donc il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir changer. Les informations qu'on a sont concrètes, il y en a quand même certaines qui laissent à désirer parce qu'on n'en est vraiment pas sûr. Mm. Je pense notamment au vaisseau de transport, c'est une information qu'on a eue, qu'on a prise sur la volée. Pas de vaisseau de transport, ça c'est vraiment pas sûr. Est-ce qu'on l'a mal interprété? Est-ce que c'est sous... Bon, on sait pas, je pense que ça va être discuté par les développeurs prochainement, soon. Et puis on en saura plus à ce moment-là. Donc c'est pour ça, je pense que les fansites ont quand même bien fait leur boulot. Je pense notamment à Jeux Online, pardon, Torgul sur le forum officiel de Jumgate Codemaster a fait aussi pas mal de taf en précisant bien les informations qui étaient sûres et celles qui ne l'étaient pas. Tout à pour fait. Éviter justement les rumeurs. Oui, absolument. Donc, premier thème qui a eu quand même des précisions, c'était au sujet de la gestion de serveur, la gestion des zones, comment ça va se passer, combien de joueurs dans une zone. Donc on savait déjà qu'il y avait ce côté 50 vs 50 vs 50 dans une instance type... Type Battleground, ouais, exactement. Voilà, ouais. Champ de bataille, donc. Donc là, ce qui a été précisé, c'est que tu avais jusqu'à 500 PNJ dans une zone, que tu avais des centaines de joueurs qui pouvaient également être là, qu'il y aurait un effort très particulier sur le lag, donc un code réseau qui essayerait de maximiser le nombre de joueurs humains dans une zone, tout en réduisant au maximum le lag. Oui, bah, chose tellement importante dans un jeu spatial. Absolument, de combat en particulier rapide, dans un jeu de ce type-là, où la vitesse de connexion internet, enfin la vitesse de connexion au jeu est importante pour pas que tu rates ta cible parce que tu as eu un ralentissement. Ça, c'est évident. Si, parce que après, bon, le mode bullet time, comme dans Max Payne avec les effets de ralenti, on peut interpréter ça, le lag de la même manière, mais. Ça peut avoir son style, mais. Le combat rapide perd de son sens, là. Exact. Et en fait, on pourrait dire que c'est un petit peu antinomique, c'est-à-dire que tu as d'un côté le combat rapide que veulent les développeurs, et de l'autre côté, le fait que ce sont des combats massifs à la Star Wars, c'est-à-dire avec beaucoup de vaisseaux dans tous les sens qui tirent. Donc ça aussi, ça pompe quand même pas mal de ressources au niveau du réseau. Donc ça sera intéressant de voir comment ils vont réussir à achever ce tour de force. S'ils le réussissent. C'est un défi. Non, mais c'est un réel défi. Donc, c'est intéressant. Effectivement, pour les joueurs, on espère tous qu'ils vont réussir ce coup-là. S'ils le réussissent pas et que leur jeu qui voulait accès combat, ils n'arrivent même pas à aligner 3 mobs contre 3 mobs. Bon, ben voilà, de toute façon, s'ils veulent le sortir, ils sont obligés de réussir cette partie. Ah bah, ça, c'est une partie qui est indispensable, c'est sûr. Donc, voilà, l'avenir nous en dira plus. Alors, la deuxième partie, c'était qu'il y avait un très très fort accent sur Octavius. Donc, on a vu la vidéo d'introduction de cette faction. Oui, très belle vidéo. C'est d'ailleurs très impressionnante, absolument, avec la grosse voix en arrière, en doublage. Beaucoup qui était de bons retours, oui. Ouais, impressionnante. Elle avait déjà été dans les vidéos qui avaient été leakées. Oui. Donc, certaines personnes ont pu la revoir, mais il n'empêche que ça reste quand même un grand moment de plaisir pour regarder ça. On a également appris en fait que le joueur ferait partie donc de l'armée d'élite de l'Empire, très bien. Voilà. Donc qui s'appelle le régiment. On a également appris que pour les deux autres nations, les seuls reines, ça serait la compagnie, donc qui colle très bien à cet esprit de société. Ah, mais là, tu vois, t'as coupé, mais il y a mon micro qui enregistre toujours, donc on va entendre en arrière-fond. Tu vas pas le dire à chaque fois que je dis. Je vais le faire à chaque fois. C'est pour ton objectivité. Hein, c'est et la troisième faction. Faut que j'arrête de fumer pour les prochains podcasts. La troisième faction, les Cantards, donc, qui se nomme The Brotherhood, la fraternité en français, et qui est également, bon, qui rappelle le côté un petit peu social et où tout le monde partage un petit peu le même objectif. Alors, je reviens sur ce que tu as dit concernant la vidéo des Octaviens. Il y a eu le site officiel de Net de Ville aussi, de Jumpgate. De Jumpgate US. Donc, qui a été refondu aux couleurs Octavien et qui était très très beau. Quoi. Tu avais une page d'accueil, effectivement, qui était une sorte d'affiche de propagande, ouais. Comme ça, pour s'engager dans l'armée octavienne et rejoindre leur ligne. Alors, c'était une super idée, parce qu'en fait, ça colle parfaitement, c'est RT, et voilà. Et donc, Octavien, levez-vous, quoi. Voilà. Ils ont fait un bon choix, les développeurs, pour attirer du monde, je pense. Mais ça montre vraiment le sens que Jumpgate est en train de prendre, c'est-à-dire, tu appartiens à une nation, tu te donnes à fond pour cette nation-là, chaque nation a sa patte visuelle, déjà on l'a vu au début, mais surtout, non seulement sa patte, mais aussi son atmosphère, en fait. Sa façon de jouer, sa façon de... C'est sûr que si t'avais ramené les Soul Rain sur les vidéos et que tu voulais présenter un jeu massivement en combat, bon ouais, ça aurait moins de gueule, je pense, par rapport au RP et au background des Soul Rain, quoi. Absolument. Après, ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui s'y sont jamais intéressés, n'auraient peut-être pas vu la différence, parce que ça reste des chasseurs, que ça attaque. Mais pour tous ceux qui suivent le jeu depuis longtemps, ça marche moins bien. Ouais. Mais bon, ça confirme exactement ce à quoi on s'attendait du côté... C'est peut-être le seul truc qu'ils ont fait de bien depuis 2 ans, c'est réussir le coup des Octaviens. Ils ont compris qu'il fallait caler les Octaviens, les assimiler avec le côté combat. Ouais. Hein non, mais faut le souligner. C'est... La vidéo, c'est impressionnant quand même. Attends, je fais un compliment, là. Ouais, mais j'entends bien. Alors... Peut-être le seul truc qu'ils ont réussi. Donc sinon, on a eu également quelques précisions sur le PVP. Oui. le fait que ça sera à partir du niveau 10 qu'on aura des zones PVP, où ça on savait déjà, les joueurs pourront capturer ces zones pour leur nation et construire des bases de défense, qu'il y aura également des zones PVE dans lesquelles on ne pourra pas attaquer son joueur humain pour l'apprentissage, on va dire, pour débuter dans le jeu, comprendre l'univers de Jungate et pour surtout pas se prendre du niveau 50 sur la gueule dès qu'on commence. Ça dégoûte du jeu facilement. Il y a aussi eu la précision habituelle que 5 joueurs de niveau 10 peuvent abattre un joueur de niveau 50. Mais on commentait après, Brunier et moi, que le niveau 50 a intérêt à être sacrément mauvais. Ou alors à l'inverse, les level 10 vachement bons. Voilà. Mais bon, c'est possible. Parce que dans Jumpgate, la manière dont il nous a présenté, vous n'avez pas une petite fenêtre à ouvrir pour mettre des points de compétence. Ça n'existe pas. C'est vous. Enfin. Toujours de la manière dont il est présenté, ça a le temps de changer, mais ça n'existe pas à l'heure actuelle. C'est vraiment votre matos qui peut faire la différence, hormis le pilotage. Il y a deux aspects dans le jeu, c'est le pilotage. Ouais. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, vous savez tirer, vous savez pas tirer. Et le stuff qui améliore vos boosts, vos boucliers, vos armes, ce genre de choses. C'est ça. Donc, l'inventaire, en fait. Oui, voilà. Ouais. Donc, le gars de level 50, s'il se démerde pas trop mal, il y a quand même peu de chances de se faire abattre par des level 10, en théorie. Exact. Tout simplement parce qu'il les surclassera au niveau de l'équipement. Oui, tout à fait. Oui. Donc pour le niveau 10, ça sera difficile, mais... Pas impossible. Pas impossible, et surtout s'ils sont en nombre. Oui, voilà. Si par exemple, tu as un vaisseau lourd et tu n'arrives pas à les avoir parce qu'ils sont trop rapides pour toi, les 5 niveaux 10 vont juste avoir à la durée, quoi, finalement. Exactement. Parce que j'ai déjà vu dans des MMO, moi étant level maxi, par exemple, tu arrives sur des mobs gris de niveau 3 ou 4, ou même 10, ouais. Ils ont beau être une vingtaine sur toi, ta barre de vie ne descend pas. Là, dans Jumpgate, par contre, ça sera possible. Donc, ça sera effectivement long, mais ça sera possible. La barre de vie descendra, même si c'est un level beaucoup plus faible. Mmh. C'est effectivement, ça reste dans le possible. C'est ça. Donc, on sera jamais vraiment tout le temps en sécurité, même si au niveau maximum. Tout on pourra fait. Toujours se rabattre. Donc, c'est un petit point positif. Et tout l'aspect PVP que tu viens de citer, je pense que ça a plu à beaucoup de monde, ça déjà. Mmh. Sur PVP, il n'y a pas d'activation de flag finalement. C'est ça, ça sera automatique. Quoi. Tu rentres dans la zone PVP, voilà. Tu fais automatiquement PVP, on peut t'attaquer direct. Exactement. Et donc, on peut confirmer, parce que je pense que ça rejoint, cette histoire de prise de station. Ouais. C'est finalement, les questions qu'on m'avait posées, c'est oui, mais comment attirer les joueurs finalement à faire du PVP, parce que dans la plupart des jeux, même PVP, les gens évitent ces zones. Là, au contraire, l'objectif étant des nations contre nations, c'est d'aller dans ces zones PVP, capturer les stations, ouais. Les renforcer pour apporter des bonus à la nation. Absolument. Donc, il y aura toujours du monde. Si ça peut rassurer les... Et puis surtout, il y aura des missions PVE dans les zones PVP. En plus. Donc ça ne sera pas vraiment du PVE, parce que tu te feras attaquer par les autres joueurs. Exactement. Donc tu auras intérêt à y aller avec un groupe. Et c'est un peu un côté PVPVE, mais pas poussé à l'extrême non plus. Quoi. Ça reste dans du soft, mais c'est sympa. Ils arrivent à faire, en théorie, un mélange plutôt sympathique. Ouais. Dans certaines vidéos, on a également vu le cockpit. Oui. Donc ça, c'était pour ceux qui doutaient encore. Alors, à chaque fois, Lance a dit qu'il n'était pas encore sûr que ça serait pour la sortie du jeu. Il voulait bien le peaufiner, enfin, être sûr que ça marche bien avant de le sortir. Mais bon, on a quand même vu la présence du cockpit dans une nouvelle vidéo. Rapidement. Oui. J'ai pas le souvenir exact de la vision du cockpit, mais je crois que ça a été assez rapide et assez bref. C'est bref, d'accord. Et puis, voilà, c'est ce qu'on a eu. Bon, sinon, on a eu d'autres informations qui étaient un petit peu classiques, on va dire, comme par exemple la présence d'un radar, les zones PVE... Le code réseau qui a été beaucoup retravaillé pour réduire le lag, donc qui peut-être pourrait expliquer la durée de développement. Le jeu essentiellement centré sur les nations, ça on en a parlé, et que les escouades, donc les guildes dans Jumpgate, ont un rôle très important dans la guerre qui oppose les trois factions. Finalement. Tout à fait. Alors comment ça va se présenter in-game, ça je pense qu'on n'a pas d'informations. Pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles peuvent capturer ces zones. Ouais. Que ça sera à ce niveau-là que ça se jouera principalement. Est-ce que ça sera l'objet de faire des alliances ça, on ne sait pas le dire non plus. Combien il faut être pour capturer les zones Bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, mais là, par contre, les informations qui nous sont diffusées sont des informations concrètes qui seront normalement dans la version finale du jeu. Donc, dès que ces informations tomberont, vous pourrez être normalement sûr de leur véracité. Véracité, voilà, merci. Donc voilà, Donc c'était la petite partie sur l'E3 qui en fait nous a apporté pas mal d'informations, vu qu'on avait quand même affamé jusqu'à maintenant. Donc ça rassure dans un sens, mais en même temps ça donne envie d'en voir plus. Ah bah et c'est donc, sûr. On attendra d'en savoir. Voilà, on attendra d'en savoir plus avant de pouvoir vraiment mieux identifier le jeu. C'est vrai que pour l'instant il reste encore, comme tu l'as dit, beaucoup d'inconnus. Oui. Et je pense que c'était plus une piqûre de rappel pour dire oui on est là, on montre le jeu à la presse. Mais bon, il n'y a pas encore eu de bêta test vraiment chez soi sur coup d'état voilà pour dire attention ça va pour ça, le ça joueur va arriver, quoi. Voilà, pour le joueur c'est plus une mise en bouche que vraiment un dossier complet sur Jump. En effet. Alors des informations aussi comme tu l'as répété, pas de customisation des vaisseaux, c'est ouais. Les équipements qui changent la pas de customisation visuelle des vaisseaux. Voilà. Pour l'instant on n'a pas si on a... changer un moteur que ça se verra, mais vous pourrez pas aller modifier la forme du moteur vous-même quoi. On pourra pas les taguer. Ouais, voilà, un piercing. Ouais, mais c'est... j'ai cru comprendre que les développeurs se penchaient quand même sur le dé parce que c'était un point. Alors, ça aussi, c'est un truc exclusif. Ils disaient que c'était un point qui était tellement important pour les joueurs qu'ils étaient obligés de s'en charger. Enfin, ils étaient obligés d'y réfléchir. Ouais. Après, la question, c'est comment ils vont le faire et est-ce qu'ils vont le faire. Si déjà, ils parlent d'en réfléchir, c'est un bon point. Mais voilà, ils ont dit que c'était quand même un point qu'ils savaient être très important pour les joueurs. Après, je sais pas. Je pense qu'on peut vous poser la question, auditeur. Après, vous répondrez par écrit ou entre vous dans vos conversations. Est-ce que vous préférez que les développeurs continuent de développer le jeu pour ajouter certains trucs qui vous manquent en a priori, c'est-à-dire par exemple la customisation, ou est-ce que vous préféreriez que le jeu arrive plus rapidement, qu'il manque certaines choses, mais qu'elles soient ajoutées par la suite? Ça, c'est à vous d'en discuter, je pense, et puis parlez-en entre vous, sur les forums, tout ça. De toute façon, je pense que les fans de la première heure, eux, seront contents quoi qu'il arrive, mais pour toucher un large public, c'est vrai qu'il faut, c'est proposer ça. Un... Mais est-ce que les développeurs, là, partent dans l'optique de satisfaire leur première ligne de communauté ou un jeu qu'ils veulent attirer du nouveau monde? D'après ce que j'ai compris, c'est plus un retour aux sources par rapport à ce que Herman avait dit. Herman voulait vraiment changer par rapport à Jump Gate Classic. Oui, tout à fait. Et là, on est en train de revenir vers certaines fonctionnalités du Jump Gate Classic. Oui. Donc, bon. La nouvelle communauté a son mot à dire, mais est-ce qu'elle sera entendue? On espère, hein. De toute façon, tout le monde essaye de faire remonter les informations. Donc, ça tombe pas dans l'oreille des sourds, normalement. Ouais. Une information... La communauté américaine et la communauté européenne sont quand même assez actives, oui, en particulier fait, ouais. Depuis l'E3. Exactement, il y a eu une relance d'activité sur le forum Codemaster EU. Et on espère qu'elle sera suivie, c'est ça qui est primordial. En fait. Ça, si les développeurs continuent, comme ils viennent de le dire il y a 15 jours, leur communication, voilà, ça ils avaient marchera. Ils avaient l'air de dire que c'était la reprise de la communication. Exactement, donc là ils peuvent pas nous faire un deuxième coup blanc, parce que je pense que c'est clair et net que ça les ruine direct. Et là je pense qu'ils ont compris que c'était une erreur à ne pas reproduire, ouais. Et... C'est risqué. Ils ont le couteau sous la gorge. C'est une réflexion d'Octavien. Ah ben, je ne dirai rien. J'ai plein d'idées en tête qui passent. C'est ton objectivité. Non, des vannes octaviennes surtout. Ouais. Non. Ah ben non, je suis objectif. Et dernier. D'accord. Ah ben oui, non, mais c'était plus du vulgaire. Après, je pense que ça choquerait personne, mais. On sait pas, peut-être qu'il y a des nouveaux éditeurs qui nous connaissent pas encore et qui pourraient être choqués. Voilà. Je m'entretiendrai avec des BTR pour avoir la suite de cette conversation, les phéniciens, mais là pour tout le monde on va rester soft. Dernier détail, donc il y a une confirmation que les serveurs seront bien séparés. Un serveur aux États-Unis, un serveur en Europe. Je dis un. Après, comment ils vont... Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'était pas un centre de données? Donc, c'est-à-dire voilà, un c'est local où il y a tous les serveurs. C'est ça. Je pense que c'est plutôt ça. Est-ce qu'ils vont faire des extensions de zones sur différents serveurs, mais un serveur principal? Est-ce qu'ils vont faire... Voilà, on sait pas tellement. Mais on sait en tout cas que la communauté américaine jouera sur un serveur séparé de la communauté européenne. Qui diminuera quand même le temps de réponse pour les joueurs européens. C'est ça. C'est important, quoi. Et un des éléments qui faisait peur, c'est-à-dire que si tu as un centre de données qui est basé en Amérique, les joueurs européens en souffriront automatiquement. Voilà. C'est plus important. Maintenant, on est rassuré, les serveurs seront en Europe. Tout à fait. Pour les joueurs européens. Le deuxième truc aussi qui est intéressant, c'est que si les Français veulent jouer entre Français, bah, au moins ils n'ont pas à chercher longtemps. Enfin, ils savent que. C'est quoi d'entre eux, quoi. Voilà, c'est ça. Les Français joueront en Europe. Exactement. Alors, du coup, par contre, on garde l'aspect. On jouera avec les Anglais et les Allemands, quoi. C'est ça. Et toute autre langue européenne que je vais pas mettre à citer. Après, ça dépend comment ils configurent les serveurs. S'il n'y en a qu'un seul pour toute l'Europe, si c'est configuré dans le sens tu as un serveur allemand, un serveur anglais, un serveur français. S'ils concentrent réellement leur jeu sur le système de combat, je pense qu'ils vont, ils vont le faire mixte parce que ça pourrait apporter un petit cachet supplémentaire au jeu. Bah oui, ça sera toujours plein, ça serait intéressant. Exactement, parce que la communauté française est pas plus importante que ça, en tout cas recensée actuellement pour ce jeu. Bah, sur les forums, c'est vrai que c'est quand même plutôt la communauté anglophone, ouais, et germanophone qui est très présente. Ah, c'est sûr, ouais. J'ai regardé le nombre de topics, le nombre de messages. Enfin, ils sont pas forcément beaucoup, ils postent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus actifs, donc c'est vrai que c'est pas évident à juger. Mais bon, on verra bien. On verra quand le jeu sera sorti. Oui, mais bon. La communauté francophone a la de bière, donc ça, tout le monde nous envie. Donc on a nos bières, forces. S'il vous plaît, il va falloir faire une cuvée spéciale 2010. Et puis en masse, hein, s'il y a beaucoup de monde à nourrir, du coup. Ah, même annonce de propagande, c'est bon, c'est gagné. Oui. Va falloir faire ça, une propagande. Vous notez bien, hein, vous faites un gros message sur Skynet, une belle publicité BTR avec un joli poster de fond, votre truc. Voilà. Et même pendant leur podcast, enfin pendant leur taverne spatiale audio, ils peuvent limite faire une publicité pour la BTR, c'est une annonce de recrutement. Pas idiot pour eux, ça. Tu vois, mais ils n'ont pas trop de difficultés à recruter, hein. ça coule assez. Ah non, mais ça, j'en doute pas. Hein. Mais c'est plus dans pour rester dans le trip. Ouais. Bon, vous nous avez entendu, je pense. Éventuellement, ils peuvent faire une parodie de la vidéo de Octavien en le transformant un petit peu. Non, et parce que je sens que je vais encore manger. La sauce BTR. Ça va être encore pour ma gueule, donc je suis pas pour. T'aurais besoin de mettre juste ton rire en arrière. Ah non, mais faut arrêter avec mon rire. Non, les gars, le faites pas. Non. Il était vexé la dernière fois. S'il faut que je vous paye, vous le dites. je suis pas liche, j'ai pas beaucoup l'argent. Moi, ça m'a fait beaucoup. Oui, moi aussi, mais quand même. Je ris des vannes qu'on fait de moi-même, voilà. C'est bien. Bon, les gens commencent à me connaître maintenant dans cette communauté, je pense, pour la majorité. En tout cas, ils connaissent ton rire. Pardon. Alors celui-là, je vous le dis, on en entendra parler. Ah, mais je l'ai déjà mis en sonnerie de portable, moi c'est bon. Ah ouais, carrément. En réveil matin, la totale. Pas... Je l'ai mis pendant seulement une heure, parce qu'après ma copine m'a dit que ça lui faisait peur. D'accord. Donc... Je fais un mode vibreur aussi, si ça t'intéresse. C'est gentil, mais je vais devoir passer. D'accord, ça roule. Je laisse la main. Ah, une perche, qu'est-ce que je fais? Je la saisis. Je pense qu'on va se reconcentrer un peu sur Jumpgate rapidement. On a le temps de dériver. Qu'est-ce qu'on enchaîne sur les escouades, fan site? On fait un petit point. Alors, excusez-moi, je vais tousser un coup, boire un petit peu de flotte, parce que il faut quand même dire que nous sommes situés sous les combles, qui fait très très chaud, parce qu'il fait chaud. Là, on a la canicule. Vraiment, c'était. C'est... Cani, je sais pas. Voilà, ça c'est fait. Bon, passons aux escouades. Bon, bah, les escouades, beaucoup de changements. Mm-hmm. Beaucoup de changements, des arrivées, mais aussi des départs. Le vol 707 en partance pour l'Afrique du Sud, s'il vous plaît, nous sommes... je précise, aucun rapport avec le football. Donc, parce que là, c'est plutôt des retours. Départ, voilà. Comme ils ont dit à la radio, on avait dit que les Français iraient loin. En effet, ils sont allés jusqu'en Afrique du Sud. Voilà, ça c'est fait. Une vanne pourrie de plus. Les escouades. C'est le sujet. Alors, non, je vais parler des fansites et squads. On va commencer par les fansites, vous allez comprendre pourquoi. Le premier à nous avoir quittés, le premier, ça a été la Fédération d'Onoxia et JG World. Donc, non, ouais. On va pas mettre de musique triste, nous sommes dans une bonne ambiance quand même. Ouais, mais bon. C'est... Bah, on va rappeler un peu JG World, je crois qu'on le rappelle à chaque podcast, mais ça fait pas de mal. Ça a été quand même le départ de toute cette communauté, je pense. Donc JG World a été créé il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, 2 ans je pense. C'était au mois de juillet donc, pour rassembler les joueurs de la communauté. Car à l'époque on pensait que Jumpgate c'était multination. Donc de toute façon, Kantar, Solrein, Octavien, on pouvait tous se réunir. Donc on l'avait fait dans la Fédération d'Onoxia. Et donc Dryana, l'administrateur du site JG World, qui a créé ce site pour Jumpgate, a créé aussi la Fédération d'Onoxia, et a réuni beaucoup de monde. Donc pendant une bonne année, il y a eu de l'activité, il y a eu des arrivées, des départs, je pense qu'on a dû monter un total de 70 membres, 70-80, mais jamais plus de 20-30 actifs simultanés. Donc voilà, ça a été une très bonne période, beaucoup de choses. Il y avait de la désinformation à l'époque. Herman, Cathy qui étaient là. Paix à leurs âmes. Cathy qui, je vous le rappelle, avait une voix sublime sur Voon. Hein, il faut le dire, j'étais tombé sous son charme. Et puis donc la fédération Andaloxia a fermé il y a peu, il y a un mois ou deux, parce que la communauté s'est très dispersée suite au manque d'informations de Jumpgate. Dryana n'avait plus tellement de temps de s'occuper de son site non plus. Donc petit à petit, ça a fait que le site a perdu de son envergure, de son activité. Et vu qu'il y avait d'autres projets qui étaient en cours en même temps, bah, il a pris la décision d'arrêter et puis de laisser la place aux nouveaux, quoi. C'est ça. Voilà. Donc notamment Skynet, en fait, qui a une bonne communauté maintenant, je pense, d'actifs, de persistants. Ouais. Voilà, Voilà. donc Fédération d'Holoxia. On va intercaler les arrivées et les départs. En arrivée, on a eu l'escouade des Affranchis. Donc les Affranchis qui sont, si je dis pas de bêtises, vous m'excuserez si je me trompe, mais de toute façon il y a un topic pour aller le vérifier sur le forum officiel. Donc, c'est une escouade multijeu actuellement. Je pense pas qu'ils aient un jeu bien défini. Enfin si, ils étaient sur Dark Orbit, si je dis pas de bêtises. J'ai pas travaillé suffisamment mon sujet, désolé. Et donc ils sont venus sur Jumpgate, là où je suis pas sûr, mais je crois qu'ils nous ont écrit qu'ils seraient Octavien. D'accord. Mais ils en avaient pas l'air sûr eux-mêmes. Vu que le jeu n'est pas sorti, je pense qu'ils le Voilà, testeront. ils se réservaient Voilà, l'émission. ils ont pas. Ils penchent Octavien, je crois, mais bon, sans être définitif. Monde persistant, le fansite Monde persistant a fermé. Parce que, bah, de toute façon, il y avait Joe Online, il y Ça. avait Skynet, le forum officiel. Monde persistant, c'est Diédi qui s'en occupait. Il y avait aussi le wiki à gérer, il est émissaire. Tout ça faisait un peu trop de choses à gérer. Et puis, bon, bah, chacun sa vie IRL à côté. Voilà, de son côté personnel, il avait aussi des choses à faire, donc Il a pris la décision de fermer le. Enfin, c'est ça. arrêter d'être admin et puis le site a fermé dans la foulée vu qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper. Ce qui n'empêche pas d'avoir les informations sur les autres sites qu'on vient de citer. Absolument. Il y a eu une nouvelle escouade d'Octavian encore. Les Octaviens sont vraiment Sur la côte. à la cote ce mois-ci. C'est donc Omega Non, à 7 la côte. à la côte. Nous on est à la côte, les Octaviens je sais pas. Donc oui, Omega 7, nouvelle escouade Octavienne. Un très beau logo de présentation. Donc c'est Oz qui a fondé cette escouade, qui recrute via un topic sur le forum officiel. Donc là un petit coup de pub, les gars, il y a un annuaire sur Skynet qui est là pour recenser les fansites et les escouades, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. C'est là pour ça. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a qu'il faut que je nettoie. Parlant des escouades octaviennes, Ouais. ça va Mathias? Phénixus. Ouais, l'escouade octavienne de référence. L'ex-escouade octavienne de référence. Non, très jolie transition. Oui, Mais là, oui, j'ai un peu triste, effectivement. alors. Qui ont décidé de fermer boutique. Voilà. Maintenant. Il y a 15 jours, suite à l'E3, on a fait une réunion entre officiers, suite à un topic. En fait, bon, comment ça s'est déroulé? On a attendu l'E3 pour voir les informations. Ensuite, on a demandé à nos membres leurs sentiments vis-à-vis de plusieurs choses, l'escouade, le jeu, leurs attentes, etc. Suite à ça, on a fait une petite réunion pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est simple. La première question était, est-ce qu'on continue d'attendre Jumpgate? Parce que pour nous, c'est un fantôme, il n'y a rien. Une date de sortie ou une date de bêta. Il n'y a rien, le jeu est refondu, donc finalement, on n'a pas plus d'infos que ça. Donc, la première question, est-ce qu'on l'attend? Honnêtement, la réponse entre officiers a été assez rapide, c'était non. Voilà. En fait, s'il y avait eu une date de bêta de sortie pour la bêta, peut-être que ça aurait changé votre Voilà. attitude, mais même là, on n'avait rien. Voilà. Donc, de toute façon, on n'a toujours pas de date. Donc, on a décidé d'arrêter complètement de suivre Jumpgate. Par Ça contre, faisait quand même un bail que vous l'attendez bah, pas. Phoenixus a été créé il y a un an, en fait. C'est ça, ouais. Donc, Et à l'époque, déjà, il y avait eu une date de sortie annoncée qui avait été ensuite il repoussée. avait été repoussé, ouais. J'ai créé l'escouade à peu près à la même date. Ça marchait bien au niveau de l'escouade, ça continue de marcher, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que le coup de Jumpgate nous C'est un peu bloquait. les anciens qui. Ben, ça nous bridait, quoi. C'est ça. On faisait rien, j'ai fait du Spider Solitaire pendant un an, pour éviter de tomber dans des MMO, Et puis là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, toujours pas de date, peu d'informations quand même concrètes, nouvelles. Donc on a pris cette décision d'arrêter complètement le jeu. Pour assumer cette décision aussi, il fallait quand même qu'on trouve un jeu pour pas imploser, quoi. Parce que Phoenixus, par contre, continue d'exister. Qu'est-ce que... Il me fait des signes. Non, oublie pas que t'as pas le droit de citer. Enfin, normalement, on essaie de pas citer les titres concurrents, des choses comme ça. Ah non. Mais j'ai rien. T'as l'air de dire... Non, t'inquiète pas. Donc, on a choisi, par sondage, discussion et compagnie, d'aller sur un autre jeu. Parce que c'est le seul moyen de continuer à exister entre nous et puis, de prendre du plaisir. Voilà, en plus, il y avait quand même une. Vous aviez lié des liens forts d'amitié. Ah, oui, c'est fait d'abandonner complètement. Beaucoup le disent et moi aussi. On a quelque chose chez Phoenixus qui est vraiment sympathique à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de prise de tête depuis une année, même sans jeu pour le provoquer. Il y avait une très bonne entente entre les membres. Très bonne entente. On ne voulait pas se séparer. Moi, quand j'ai créé Phoenixus, c'était pour jouer à un jeu, bon, en l'occurrence Jumpgate, mais comme il n'est pas là, c'est un autre. Donc, on voulait garder ce groupe, mais sauf qu'on savait très bien qu'en prenant cette décision, on risquait de perdre des membres. Après, on en perdait depuis 6 mois parce qu'on n'avait pas d'informations, sauf que c'était au compte-gouttes. Là, on a perdu sur 15 membres actifs, si je dis pas de bêtises, 5 personnes qui restent phoenixiennes, mais qui ne nous ont pas suivis sur notre nouveau jeu. Donc, en fin de compte, ça montre quand même pas mal la cohésion du groupe. Ça, voilà. 15 sur 10, 10 sur 15, c'est quand même... Il y a 15 jours, voilà. Quand on prend la décision, je m'avance peut-être, mais j'ai eu un bon ressenti. Là, ils ont l'air plutôt contents, malgré tout, de ce qui est fait. Et puis, rien ne les empêche de revenir plus tard sur le Jungle, parce qu'il est sorti. Ce qu'on veut bien expliquer à tout le monde, et ce qu'on a pris le temps, je pense maintenant, d'expliquer à nos membres, c'est qu'on part pas dans l'optique de jouer à Jumpgate. Quand il sera là, on verra, mais on l'attend plus. Voilà, c'est vraiment ça qui est important à faire passer. Donc, en fait, vous avez passé à un autre jeu le temps qu'il y ait des nouvelles informations concrètes. Qu'il y ait un vrai RPG nouveau qui soit là. Ouais. Mais par contre, on s'investit malgré tout dans celui-ci. Bien sûr. On va acheter, on paye, enfin, on s'investit réellement, ce qui motive du coup les gens à jouer. Parce que quand on a essayé plusieurs fois de s'investir dans notre jeu, mais c'était du provisoire, donc ça marchait pas vraiment l'investissement, parce qu'on se freinait. Là, non, comme on a vraiment stoppé, l'investissement est à 100%, voire plus. Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est... Skynet, Phoenixus, est-ce que ça va avoir un impact sur Skynet ? Très bonne question, elle a été posée sur le site d'ailleurs, et c'est normal que cette question soit posée. Skynet, c'est pas Phoenixus. Voilà, c'est important de le préciser. Oui, voilà. Je fais partie du fondateur des deux, mais ça change rien. Skynet, c'est un fan site dédié à Jumpgate Evolution. Donc, même sans jeu, il y a une communauté. Et pour cette communauté, on se doit de le garder. C'était pas prévu que j'en parle à ce moment-là. Je vais en parler quand même, du coup. Personnellement, donc je ne savais pas trop il y a 15 jours, j'avais pas tellement le temps d'y réfléchir. Mais là, j'ai pris une décision. Personnellement, vu que je ne m'intéresse plus à Jumpgate Evolution, je n'ai plus le temps non plus d'aller chercher les informations, de suivre l'actu. Donc, je vais rester dans le staff. Mais je vais chercher un animateur, un administrateur, animateur, newser, quelqu'un qui fasse le taf que je faisais avant. Donc moi, je resterai là pour me charger, grosso modo, de la maintenance, donc forum PHP Radar, parce que passer les explications à quelqu'un d'autre, ça va être un boulot très long et très dur, donc autant que je continue à le faire. En fait, tu veux dire que tu restes sur la technique ? Je reste sur la partie technique, voilà, de Skynet. Actif, non, pas pour le moment. Mais tu restes. Mais je suis dans les parages et donc je vais trouver quelqu'un. J'ai des pistes, je vous en dis pas plus pour le moment parce qu'il n'y a rien de fait. J'en ai même pas encore discuté avec les gens. J'ai juste 2-3 idées sur les personnes potentielles que j'imagine. Pour prendre la relève. Poste. Donc il va y avoir malgré tout du rechangement dans le staff. Pourquoi rechangement ? C'est parce qu'il y a 2 mois on avait fait un recrutement massif en prévision de l'E3 et Jumpgate. Il y a eu beaucoup de départs de membres, donc une légère restructuration. J'en suis désolé. Par contre, pour les membres, pour la communauté, ça ne change rien. Au contraire, ça va faire de l'activité sur le site. C'est positif. C'est un nouveau départ. Voilà. Ça sera quasiment transparent, le changement. Il ne va pas y avoir de refonte graphique du site. Une petite surprise, cependant, mais j'en dis pas plus. Mais pas quelque chose de majeur, quoi. Une petite surprise, quand même. Voilà. On n'en dit pas plus pour ça. Donc voilà, Skynet continue d'exister. Il faut juste qu'on remette tout ça un peu en place. Donc j'invite les membres à continuer de venir sur ce site et à le faire vivre, parce que de toute façon, on l'a toujours dit, c'est un site communautaire, voilà, fait par la communauté. C'est ça. Même s'il n'y a pas un administrateur qui est là pour vous mettre des news, rien ne vous empêche de le faire. Les modérateurs seront là pour les mettre en avant, les mettre en valeur, ce genre de choses. Voilà, autre question. Alors, laisse-moi question voir. Suivante. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Alors, qu'est-ce que... Alors, est-ce que tu veux qu'on passe au prochain point, ou est-ce que tu avais... Les Esquad Fan Site. Donc, Joe continue d'exister. Ouais. Bah oui, oui, là, oui. Il vit. Le forum officiel est redevenu actif. Il vit. Donc, ce qui est marrant, par contre, c'est que c'est pas exactement la même communauté sur Skynet et sur le forum officiel. Ça, c'est... Ouais. On pouvait s'y attendre. Ouais. C'est assez marrant. J'espère que ça va fusionner, quand même, malgré tout. Ça serait dommage que ça soit pas le cas, qu'il y ait une barre. Bah, c'est un peu deux angles de vue différents aussi. L'officiel, c'est, comme le nom le dit, c'est le forum de Common Source. Oui. Que c'est de l'information qui vient, tu vois, de la part de l'éditeur, alors que Skynet, c'est vraiment vu par les joueurs. L'information est écrite par les joueurs, la news est rédigée par les joueurs, les podcasts qu'on fait, bon, bah là, c'est... Moi, je suis de Common Source, toi, t'étais un joueur. Donc, c'est un exemple de fusion, on pourrait dire. Mais Skynet est quand même très orienté sur les joueurs qui discutent, cachent des sujets qui les intéressent. Mm-hmm. Le forum officiel, c'est plus pour les annonces, les comptes rendus. Les discussions off-topic, par exemple, sont beaucoup plus nombreuses sur Skynet. Ah, ben, c'est sûr. Et puis, c'est ce qui fait son charme, en fait. C'est que ça reste ouvert, on n'est pas bridé. C'est-à-dire qu'on se permet de traiter de Black Prophecy, par exemple, qui est un concurrent, hein, parce que bah, c'est un jeu, même en free-to-play, qui sort prochainement. Je crois qu'il est en bêta, d'ailleurs. Il est toujours en bêta. Bêta ouverte ou bêta fermée actuellement ? Ça, je ne le sais. Je ne saurais pas m'avancer, mais je crois que c'est. En tout cas, j'ai pas reçu mon invitation. D'accord. Donc si c'est un bêta ouverte, je pense pas que c'est encore le cas. Voilà. Mais bon, j'imagine que dans le futur, il y aura une bêta ouverte. On reste ouvert sur les sujets. On demande juste à nos membres, finalement, de se modérer eux-mêmes sur la façon de s'exprimer sur le site. Mais sinon, c'est un site qui reste très ouvert, très, très convivial, finalement, à utiliser. Et qui est fait, normalement, pour le jeu, quand il sera sorti. Et en effet, c'est pas un site qui est là pour donner de l'information sur le jeu, mais pour donner de l'information sur les escouades, sur les fan sites à côté, c'est-à-dire, tenez, il y a eu telle news de sortie sur Jeu Online, où on vient d'apprendre... Telle escouade a écrit tel papier. Voilà, telle escouade vient de s'ouvrir. Donc c'est pour ça, faites de la pub, les escouades, sur ce site, il est là pour ça, pour vous mettre en avant, pour que vous puissiez recruter, tout ça. Et quand le jeu sera sorti, ce site sera là pour traiter de beaucoup d'informations du jeu, qui ne sera pas forcément facile à faire sur les forums de Codemaster. Bah après bon, ça dépend comment il sera refondu peut-être, j'imagine, à ce moment-là. C'est aussi la manière dont les sites proposent les projets. Par exemple, le projet de podcast, ça y est pas hein, sur en le effet, pas sur Skynet. C'est exclu parce que, Skynet. Voilà. Alors tiens, justement, pour appuyer ta question de tout à l'heure, les podcasts. Eh bien, j'envisage quand même de demander à celui qui me remplacera de continuer les podcasts. Avec ah bah toi. J'espère bien. Hein, j'espère bien, oui. Je vais réanimer ça. Moi, je pense que je serai là pour faire le décor. Un invité d'honneur. je vous laisserai parler, j'interviendrai pour faire des petites blagues. Des blagues pourries. Il faudrait que je les réfléchisse quand même pour qu'elles fonctionnent, parce que j'ai l'impression que mes blagues improvisées sont... Ou alors quand je fais mon boulet, ça marche bien aussi. Ouais. Et du coup, c'est involontaire. D'ailleurs, l'une des surprises de ce soir, Mathias est venu, j'ai eu le privilège de tester le jeu en mode journaliste. Comme, voilà. comme les gars de comme la presse à l'E3. Par contre, du coup, j'ai dû signer les papiers de... Avec son sang. Pas avec mon sang. faut pas tout croire ce qu'il dit. La CND, là. Ouais, le NDA. Ouais. Donc, malheureusement, du coup, je n'ai pas le droit de vous dire que les vaisseaux de minage sont revenus dans le jeu. Je n'ai pas le droit non plus de vous dire qu'il faut être 150 pour tomber un vaisseau capital. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de vous dire d'autre qu'il y aura des avatars 3D dans le jeu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais pas le droit de dire. Ce que j'ai le droit de vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de customisation des vaisseaux. Bah, en fait, vu que tu y as joué, dis-nous un petit peu quelles étaient tes premières impressions, l'ambiance dans laquelle, enfin, comment tu ressentais. Bah, déjà, j'étais vachement déçu. Parce que, dans tous les MMO, il y a un petit poulet ou un petit lapin PNJ qui se balade et qu'on peut buter gratos, mais là, il n'y avait pas un seul bestiole, quoi. Il n'y avait pas de poulet spatial. Oh là là. J'ai cherché, mais j'ai fouillé les astéroïdes, rien. Bon, non, c'est une grosse vanne. Il n'y a pas eu de jeu, je l'ai pas testé. C'était la petite vanne de... Voilà, ça s'est fait. T'as pas testé, mais... Mais, par contre, quelque chose de véridique, Mathias est venu avec des vidéos de gameplay. Ouais, que j'avais enregistré exprès pour toi. C'est gentil, merci. Donc voilà, prenant donc Fraps est en train de jouer pendant à la bêta, enfin à la bêta, à la version en développement, pardon, parce que la bêta n'est pas là. Alors, la version en développement du jeu, j'ai pu y enregistrer quand même quelques séquences vidéo qu'il a pu observer quand je suis venu en visite. Il a dû hein, signer avec. Là, ils vont avoir l'impression que t'es repas. Ouais. Et donc voilà. Donc t'as eu quand même le temps d'y jouer, enfin pas d'y jouer, mais d'y jeter un coup d'œil comme si tu étais joueur, exactement. avec l'interface, avec tout ce qui va, comme si vraiment tu étais le journaliste à qui le jeu est présenté à l'E3. Exactement. Alors, c'était bref mais intense, j'ai envie de dire. Nouvelle perche. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, c'est complètement différent des vidéos qu'on nous a présentées. Alors je sais pas si c'est un effet YouTube ou autre. C'est la patte Mathias, j'ai envie de dire. Ouais, il y a peut-être ça. J'ai l'impression de pas avoir vu la même chose que ce qu'on nous a présenté à l'E3. Parce que là, c'était du vrai, c'était du réel, c'était le jeu. Et j'avais même l'impression que Mathias y jouait en fait pendant que je regardais la vidéo. Ça donnait vraiment cette impression. Alors que quand on regarde une vidéo sur YouTube de ce que c'est sorti à l'E3, bah, on voit plutôt un film, quoi. Comme si le vaisseau était programmé pour aller faire ça. Puis en plus, souvent, t'as le gars qui est à côté qui parle du jeu. Voilà. Ça gâche un petit peu l'immersion. Exactement. Alors que là, t'étais en plein écran, juste le jeu, comme et si j'étais en train. Chose vraiment énorme qui fait la différence, j'avais le son du jeu. Ah oui. C'est vrai que sur les vidéos YouTube, ça manque gravement. Et ça... ouais. Alors là, j'ai même pas besoin d'être objectif. C'était vraiment bénéfique, quoi. Ça donnait quelque chose, une immersion vraiment énorme au jeu. Ça donnait des détails qui ont l'air, a priori, comme ça on vous parle de l'audio, on s'en fout de l'audio, a priori. Mais là, non, quoi. D'entendre sur l'une des vidéos le vaisseau tirer, ça fait pas piou-piou. Ça, c'est un vrai... j'ai comparé ça au jeu de FPS. Plutôt futuriste, j'ai envie de dire, quand même, au niveau des bruits des armes. Mais ça faisait pas un piou-piou redondant, vraiment embêtant, non. Même si ça a été que sur une minute de vidéo, c'était vraiment agréable à écouter, quoi. Le bruit que l'ennemi fait quand il nous tire dessus aussi, on a l'impression de ressentir les dégâts sur nous-mêmes. C'est ça. C'est vraiment sympa. La musique, énorme. La musique que j'ai entendue, le peu que j'ai entendu, les 10 minutes, vraiment énorme. Donc non, un très bon ressenti vis-à-vis de ces vidéos, je t'en remercie. On peut parler un peu du détail de ce que j'ai vu. Vas-y, la refonte de l'interface. Et les gars, je pense que c'est quand même énorme. On a dû attendre le podcast épisode 6 pour avoir le droit de vous dire ce qu'on sait et ce qu'on a vu sur le jeu. C'est pas énorme, ça? Ça fait partie des exclusivités, des choses inédites? C'est soirée surprise. C'est soirée surprise. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le logging du jeu. Bon, rien d'exceptionnel, c'est un logging. Par contre, j'ai vu du coup la création de personnages, rapidement, mais une partie sympathique. Donc le choix entre Solrein, Kantar, Octavien... dans la classe, alors j'ai pas eu le temps de bien voir parce qu'il n'y a pas eu de switch, mais j'ai l'impression qu'on peut choisir son vaisseau. D'accord, j'en dis pas plus. On me fait des grands signes là-bas, il y a Conmaster qui va débarquer. Man in Black, j'ai jamais vu ça. Man in Black, un flash fouillage. Bon, j'en dis pas plus. On pouvait choisir sa nation, c'est ça que tu voulais dire. Je croyais qu'on avait le droit de tout dire sur ce que j'ai vu. Bah, pas cette partie-là malheureusement. Ah d'accord. Parce que c'est toujours. C'est toujours un petit peu secret. D'accord, autant pour moi, j'ai mal compris. Alors, Donc, on choisit la nation, on voit le vaisseau de départ, on voit le... Qu'est-ce que j'avais après? Il y avait 2-3 petits onglets sympathiques à visiter. Ah bah si, bah, la tête de l'avatar. Ouais. Choisir la tête de l'avatar. Je pense pas, j'ai pas vu qu'il y avait de personnalisation. Par contre, je pense que ça doit être des photos. Il y en avait sur le côté, tu pouvais choisir genre en cliquant à droite. Ah, ouais. Genre les tatouages, des œils bioniques qui se rajoutent par-dessus, des choses donc comme ça. Reste du 2D, on est d'accord, c'est juste ouais. Genre photo d'identité, quoi. Ouais. Donc, mais avec une légère personnalisation. Il y avait un troisième petit onglet, je crois. Je me souviens plus de ce que c'est. Ah. Tu me le diras pas, d'accord. C'est tes impressions. Attends, je vais lancer la vidéo. La vidéo. Elle est là, et si je dis pas de bêtises, ça doit être celle-ci. Non, c'est celle d'après. Ça, c'est la page de logging, donc, où on crée le personnage, voilà. Donc, new character. on crée le personnage et on arrive. Ah oui, alors quand on crée un personnage, on a des petites affiches qui apparaissent. Ce sont des petites affiches de propagande, je pense. Ouais. Et donc, en l'occurrence, celle que je vois sur la vidéo, c'est une propagande octavienne Ouais. avec écrit Légionnaire, rejoignez-nous, quoi. C'est ça. Et là, pour le coup, je suis content parce que les Phénixiens, dans leur grade, ont 1000 grades de légionnaire. Comme D'accord. quoi, on avait vachement bien anticipé et vachement bien compris le RP Ouais. du jeu. Et donc, la vidéo sur la création la création de personnages approfondie. Mais tu vois, c'est ici en fait où tu Voilà, d'accord. Ah oui, donc il y a un large choix quand même d'avatars. Les avatars féminins ont l'air quand même plutôt sympathiques. C'est que du 2D par C'est contre. ça. Voilà. Où on rentre le pseudo du joueur. Donc ça, on peut pas en parler. Choisir la nation. Non, c'est vraiment Il y a aussi sympa, une c'est petite vraiment joli. introduction sur, tu vois, genre, avant, on voit l'introduction sur la nation, une petite explication D'accord. de l'univers, de la saveur de telle ou telle nation. Donc, faut D'accord. que tu choisisses quelque chose qui corresponde à ce que tu Qui aimes nous faire. explique le background un résumé, quoi. C'est ça. Alors, tiens, en parlant du background, il va être refondu suite à la refonte du nouveau jeu ou... Je pense qu'il y aura des changements, ouais. Ouais. Mais comme on n'en avait déjà pas appris énormément, finalement. Mais par exemple, il y a quelque chose qui avait été dit, c'était qu'on pouvait peut-être choisir des sous-factions. Oui. Tu sais, c'est ce que Herman nous avait dit, des sous-factions au sein d'une nation. Donc par exemple, t'es Kantar, tu peux choisir d'être un Kantar A, Kantar B, Kantar C. Là, apparemment, c'est plus le C'est plus choix, le choix, mais directement dans l'armée d'élite de telle ou telle nation. Exactement. Donc. Il y a quand même des changements au niveau background. Après, peut-être qu'ils vont quand même garder ces sous-factions dans le RP. Peut-être que tu auras différentes usines ou différentes personnes qui sont affiliées. Oui, probablement, Voilà. oui, ça En fait, serait. c'est dans C'est un peu l'histoire. le cœur du jeu, quelque part, donc. C'est ça. Mais dans le gameplay. Est-ce que ça. Oui, ça se traduira peut-être pas. Peut-être juste dans les missions, comme tu dis. Sinon, sur les vidéos. pardon, excusez-moi. Cinquième fois là que t'es tous. Ouais, lui, je le comprends peut-être. Il était gros. Rien du fumé, hein. C'est vraiment. Ouais, non, mais c'est la chaleur aussi. Avec. On parle, j'ai soif. Bon, ben. Voilà. Donc, une vidéo de gameplay Octavien. Ça change par rapport à ce qu'on a vu dans celle de l'E3. C'est celle que je vous disais avec le son vraiment sympathique. Ouais. C'est vraiment joli aussi. À voir la vraie vidéo, c'est autre chose, quoi. Je sais pas comment ils se sont débrouillés en fait chez Netdeville. Ils n'arrivent pas à faire une vraie com en fait. Ils n'arrivent Ouais. pas à montrer les bons trucs qui accrochent. C'est dommage, c'est dommage. Et donc là on voit justement, il y en a beaucoup qui parlaient sur l'interface au centre. On a un grand cercle. Donc à gauche, le rayon vert, qu'est-ce que c'est, Mathias? Alors, le rayon vert, ça va être l'armure, D'accord. tandis que le rayon à droite, ça sera le. Comment dire? La Le coque? bouclier. Oui, d'accord. L'énergie, en fait. Le bouclier énergétique Et qui protège. La première défense, et ensuite la deuxième défense, l'armure, ça c'est vraiment la coque. Si tu veux, une fois que la coque est touchée, il faut la réparer. Elle se régénère pas. D'accord. Alors que l'écran, enfin, la jauge à droite, elle, va se régénérer avec le temps. D'accord. Ouais, le bouclier se régénère. Ça, le bouclier se régénère, la coque, non. Faut Une la fois qu'elle réparer, est née, quoi. il faut la réparer. D'accord. Et quand elle arrive zéro, bah, elle est Ouais, ça c'est bon, ça. logique. Ouais. Et les deux petites barres rouges en bas, il y avait des débats là-dessus, les gens ne Alors, savaient ça, c'est pas. pas, c'est le boost. C'est le boost. En fait, le boost est pensé pour que ce soit pas automatique. C'est-à-dire que tu n'appuies pas sur une touche et tu traces pour éviter les tirs. Sinon, ça serait trop facile. Dès que quelqu'un commence à tirer dessus, tu t'en vas avec un boost. Bon, Oui, bah, bah c'est. c'est pas facile de t'avoir. Non, là, il faut que pendant quelques secondes, enfin, quelques secondes, ça peut sonner trop long, mais pendant une seconde, tu laisses appuyer sur une touche boost et ensuite tu peux partir. C'est pour ça qu'il y a une croissance au niveau des barres jaunes D'accord. dessous. Et c'est pour éviter justement les gens qui partent direct en fantôme dès qu'ils se font tirer D'accord. dessus. Là, il y aura un petit temps, un petit délai avant que tu puisses te sauver. Donc, si jamais tu es touché, bah, ça interrompt le boost et tu peux pas partir. Et donc, tu es obligé d'affronter ton ennemi. Écoute, ça répondra aux questions de quelques-uns, je pense. Parce que ils savaient pas trop si c'était l'usure des. Enfin de l'énergie pour en tirer. Alors, ça, si tu revois la vidéo, je vais te montrer où Alors on va la remettre. c'est pour certaines Quand c'est munitions qui parti. sont de manière illimitée, comme par exemple les lasers. C'est-à-dire que tu vois en bas à droite de l'écran, il y a le 8 inversé, donc qui Oui. montre que c'est le chiffre infini, donc les lasers sont munitions infinies. Mais pour pas que tu spammes de tirs dans tous les sens, il y a une chauffe de l'arme. D'accord. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de tirs, ça va surchauffer. Il faudra attendre quelques secondes. D'accord. C'est du concret, hein, là, les gars. Profitez-en, vous n'en aurez pas tous les jours pour l'instant. C'est du concret. Et donc, vis-à-vis de ça, est-ce que on sait s'il y aura des armes qui vont consommer, qui vont surchauffer plus ou pas, ou au niveau de la, un peu à la Freelancer en fait. Il y a les armes, pour ceux qui ont connu Freelancer, les armes nomades, par exemple, ne consommaient pas d'énergie, mais c'était pas les plus violentes non plus, quoi. Bah, je vais pas m'engager en disant oui ou non, parce que je sais pas encore exactement comment les développeurs l'ont fait, mais ça me semble un très bon moyen pour gérer le cooldown de certaines armes. Ah bah, tout à fait. Si par exemple t'as une arme qui est extrêmement puissante, bah tu lui mets juste un tir surchauffe, comme ça tu tires un seul coup, tu es obligé d'attendre pendant 5 secondes pour retirer un prochain projectile, et ainsi de suite. Alors justement, tu utilises le terme projectile, les gens sont déçus parce qu'à la vidéo de l'E3, ils n'ont pas vu l'utilisation des missiles, ce qui pour le level 1 et 2, j'ai envie de dire, est normal. C'est vrai. Mais on les rassure, c'est bien implémenté. Oui. Voilà. Je pense qu'ils sont plus tranquilles, mais il y en a beaucoup qui ont gueulé comme quoi il n'y avait pas de missiles dans le jeu. Non. Il y en aura des missiles. J'arrive pas à lancer la vidéo, tant pis. Pendant que j'y pense, donc sur les vidéos, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Bon, j'ai vu des chasseurs solariens, très jolis. Hein, ils restent, même si je suis Octavien, je reconnais que les chasseurs solariens sont quand même très jolis, très vaisseau en fait, très chasseur spatial. Mm. Un peu comme dans les Star Wars, ils ont le design créé pour, je pense. Et qu'est-ce que t'as pensé par exemple de la manière dont les missions sont données? Alors, j'ai... En bas de l'écran, par exemple. En bas de l'écran, bah, ça floute pas. C'est une interface flash transparente en plus, donc tu peux la placer où tu veux dans ton écran. Ça te gâche pas le fond comme si tu ouvrais un journal de quête où tu ne vois pas derrière. Ouais. La transparence aide bien, c'est sympa. Bon, là, c'est en anglais, donc j'ai pas regardé le texte s'il était concret ou non. Mm-hmm. Bah, tu devrais, justement. Oui, mais le temps que je le comprenne, le podcast, on y est jusqu'à demain. C'est vrai. Non, peut-être pas jusqu'à demain, je déconne, mais on va pas prendre le temps non plus de faire ça maintenant. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être déçus. T'as une occasion unique et tu n'en profites pas? Alors, c'est bien triste. Je prendrai le temps, je ferai un screenshot de la mission, je prendrai le temps de la traduire pour plus tard. Ou... On verra ça. On va pas dévoiler toutes les surprises au premier podcast, non plus, enfin au premier podcast, à ce podcast-là. Donc voilà. D'ailleurs, petit rappel, j'en profite, petite parenthèse. Qui sait, peut-être que quand je reviendrai chez Commerceur, je pourrais négocier certaines informations. Publication. Oui, voilà, oui. Sur Skynet de la vidéo. Des vidéos. Je l'ai par eux-mêmes aussi. Mm-hmm. Mais bon, ça, il faut que je négocie avec Commerceur, on verra. Je ne peux pas encore me prononcer là-dessus. D'accord. Donc, la petite parenthèse que je voulais faire concernant les podcasts, on les fixe plus à un par mois, fin de mois. Ça dépend de l'information. Voilà, ouais. Quand il y a de l'info, on envisage d'en faire un. S'il n'y a pas d'info, ne soyez pas étonnés. S'il n'y en a pas pendant tout le mois de juillet, par exemple, c'est parce que qu'ils sont partis en vacances. Il n'y a pas d'utilité. Quoi. C'est pas un oubli de notre part. Et puis, comme il y a beaucoup de changements à l'heure actuelle, ça reste assez vague. Tout ça, on ne peut pas fixer de choses fixes. Donc, ça s'est fait. Wow. Il y avait. Alors, du coup, je ne suis pas. Plus le site, il y avait un pari que tu as ouvert sur le forum officiel concernant les cuirassés Octavien. Ouais. Il y en a un, je sais, il y a trois Capital Ship Octavien, les vaisseaux mères. Il y avait trois vaisseaux mères sur un screenshot. Ouais. Tu avais posé une question sur le troisième vaisseau mère tout au loin, il y avait une espèce de forme. C'est ça. Le pari, j'ai pas regardé s'il y a eu une réponse de donnée de ta part. Est-ce qu'on. T'as lancé les paris sur le débat, qu'est-ce que c'est cette forme? Qu'est-ce que c'est cette structure? Le pari, genre lequel va, non. va arriver à la ligne d'arrivée en premier? Non. C'est un screenshot, je suis pas idiot non plus. Le débat sur l'espèce de structure. Qui... C'est ça. Alors, est-ce que c'est lié au vaisseau, tout ça? Est-ce que tu donnes l'information? Est-ce qu'elle est donnée sur le site? Pas encore? Elle est pas encore officielle, enfin. Ah d'accord. C'est une question que je posais véritablement en tant que joueur, tu vois. Par contre, il y a un truc quand même. Tu sais, il y avait des gens qui disaient, est-ce que ça. Enfin, moi-même, je le disais, est-ce que c'est peut-être un astéroïde sur lequel il y a une cité qui est construite et genre c'est en. Tu vois, c'est. Elle est derrière le vaisseau, mais. Derrière le vaisseau, mais on voit pas très bien. Non, apparemment, si on regarde bien le screenshot, ça a vraiment d'être greffé au vaisseau. Bah, moi, je suis pas convaincu. Tu penses vraiment? Je suis pas convaincu. D'accord. Je pense. Je sais pas si le screenshot est volontaire à ce moment du jeu ou si c'est tombé le hasard. Si j'étais quelqu'un de chez NetDevil qui prend un screenshot et que je le regarde après coup, ma première réaction ça serait ouh, attends, est-ce qu'ils vont pas se poser la question si c'est une erreur de notre part ou si c'est une vraie fonctionnalité du jeu? Ouais. tu vois, il faut quand même qu'un screenshot soit clair et genre montre bien les choses, que ce soit simple à comprendre, mm-hmm. et en même temps que ça fasse vibrer. Alors que là, c'est un truc qui pose une question. Oui. Donc peut-être qu'ils l'ont fait exprès pour nous faire parler. Mais je pense que c'était pas un astéroïde, je pense que c'était vraiment sur le vaisseau. Mais je peux me tromper. Ça serait tordu quand même qu'ils envisagent de nous mettre des... Enfin, c'est possible. Ça voudrait dire qu'il y a juste différents types de vaisseaux mères. Oui, tout à fait. Oui. Le vaisseau mère de type offensif et le vaisseau mère de type défensif avec, transport, par exemple, une base ou... de transport, ouais. de fabrication. Tu vois, on peut partir dans tous les délires. Parce que ça, c'est ce qui était implémenté dans le Jump Guild classique, justement, c'était les vaisseaux mères de nation qui pouvaient servir pour les guildes de transport. Exactement. Ça permettait de ne pas avoir à se déplacer sur toute la galaxie. On se docke dans notre vaisseau, le vaisseau fait le trajet A ou B, et puis quand le joueur se reconnecte, bah, il se trouve déjà là où il devrait être. C'est ça. Donc en plus, comme on a dit que Jump Guild Evolution quand même revenait un petit peu aux sources, Pourquoi pas, une interrogation complètement Exactement. Légitime. Exactement. Hein. Mais bon, ce n'est pas officiel, tout ça, ce sont seulement des hypothèses. Voilà, on a quand même donné 2-3 exclus ce oui. soir. Ah bah ce soir Par rapport aux autres podcasts je sais pas, il y avait d'autres exclusivités qu'on pouvait dévoiler. La majorité des podcasts, en général, il y a des infos quand même pas mal. Pas tous, mais... Ouais. Assez original. On éclaircissait certains points, je pense, surtout. Et c'est important, parce que bon, tout à fait. C'est les développeurs qui le communiquent plutôt sur les forums américains. Alors les Français, bon, on se trouve un petit peu délaissés. Non, c'est important de citer ce genre de choses. On peut en venir d'ailleurs aux questions des fans sur le forum de Skynet. J'avais avec plaisir posté un petit topic justement où je demandais aux joueurs de poser leurs questions. Donc attention, je vous promets pas qu'on va toutes les traiter. Alors, si on regarde. Il y a Arken qui demande si le craft va pas diminuer en conséquence parce que le combat, lui, la partie combat augmente. Pour l'instant, tout ce qu'on a entendu, c'est ce combat, donc voilà. Impossible de dire ce qui va se passer avec le craft. Net Deville a laissé sous-entendre qu'ils accentuaient la communication sur le combat, mais qu'ils viendraient à débattre justement du craft. Sur les autres éléments. Les autres éléments du jeu. Donc c'est une information qui nous sera donnée plus tard. Est-ce qu'elle est diminuée? Ça, on peut pas le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Y aura-t-il des grades PVP et des titres genre au fait? Ça, c'était prévu dans le Jump Guild Herman. Il y avait le système des médailles. Voilà. Ça n'apportera rien, c'est juste un titre. Normalement, c'est toujours implémenté dans le jeu. Ouais. Il n'y a pas eu de communication. Peut-être pas sous la manière d'un titre, on ne sait pas encore de quelle manière, mais il voulait le faire. Il n'y a plus de battleship, mais alors, toujours par rapport à JGC, il y avait des grades en fonction du nombre d'ennemis tués, du nombre de PNJ tués. C'est un peu des statistiques qui donnaient des grades. Est-ce que ça sera sous le même principe? À mon avis, s'ils communiquent tellement sur le combat, ça sera une des parties qu'on voit souvent dans les MMO de combat où il y a quand même des tableaux, des classements. Donc à mon avis, il y aura ce genre de choses. Ensuite, une question de Fractor. Qu'avez-vous prévu pour contrer le ganking dans JGE? Bah déjà, que tu ne puisses pas te faire attaquer par un niveau 50 alors que tu es niveau 2 dans une zone PVE. Voilà. Ce genre de choses. Les zones, les zones primaires de nation c'est ça. sont de sûres, quoi. Les zones de départ. Alors, la question qui suit, c'est est-ce qu'il y aura des tranches, des secteurs par tranche, genre de 0 à 10, on sera dans tel secteur et c'est sûr. De 10 à 20, il y aura quand même des secteurs sûrs, mais pas tous. Et à partir du level 30, ça sera complètement ouvert. Bah, de toute façon, à mon avis, plus tu seras proche de ta zone de départ, par exemple si tu es Octavien, plus tu seras dans une zone PVP proche de la zone PVE de départ de l'Octavien, plus ça sera rempli d'Octaviens, donc plus elle sera sûre pour un Octavien. C'est normal. C'est logique. Après, si tu t'éloignes de plus en plus de la zone Octavienne, là, ça risque d'être un peu plus fondu. Si t'es Octavien et que tu vas vers chez les Solrains, ne faut pas t'inquiéter si tu te fais poutrer. Ça va être nickel, tranquille. Seul. À 50, ça peut passer. Hein. Ou alors, faut tomber à un horaire où il n'y a personne, quoi. Hein, ça serait un sacré coup. Quart du mat. Alors, dans la suite des questions, capture de zones par faction. Alors, je sais pas si là, Fractor, il entend juste les bases spatiales ou si tout un secteur peut être contrôlé par une nation. Ouais, c'est tout un secteur qui peut contrôler. En fait, si tu veux, tu auras les zones. Oui. Et on sait pas encore si une zone sera capturable en plusieurs petites briques. Mais à mon avis, ça sera une fois que Solrain a capturé une zone. C'est sur la map, tu vois vraiment le morceau de la zone, de la map, qui est capturé, d'accord. Qui est sous contrôle Solrain. Mais alors, pour bien découper tout ça, donc on a la galaxie, dans chaque galaxie on a des secteurs. C'est ça. Voilà. Donc c'est représenté sur une... on peut pas dire... Enfin, ça fait partie du leak, on peut pas trop le dire. Il y avait eu la carte dans le leak aussi. Mais elle a pas diffusé en masse, en fait. D'accord, oui, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Admettons que, par exemple, chaque secteur soit représenté par un cercle dans la galaxie. Ouais. Donc c'est bien un secteur. Dans ce secteur, donc, ce que tu essayes de nous dire, c'est qu'il y a des zones. Ouais. C'est ça que... Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. D'accord. Donc c'est pas tout le secteur qui sera contrôlé. Non, ça sera la zone. Ça sera une zone dans un secteur. Mais tu peux contrôler toutes les zones du secteur. Voilà. Donc pour passer d'un secteur à un autre, c'est une jump gate. Et pour passer d'une zone à une autre, c'est par une combustion dans la map, quoi. Non, ça justement. Entre zone, de zone à zone, c'est des jump gates. Ce sont des jump gates pour passer d'une zone à une autre. Ah, quand même. Ouais. Je pense qu'il y a des éclaircissements à faire quand même, justement. D'accord. T'as la galaxie. Ouais, donc la carte principale. La carte principale. La vue globale. Un secteur, je parle pas secteur Octavien, Solrein ou Quentin, je parle d'un secteur, c'est justement un coin où tu vas cliquer et tu vas avoir toute une map. Ouais. Tu vas pouvoir faire un zoom dans une map. Par exemple, 5 zones est dans un secteur. Et il y a par exemple 10 secteurs pour la map globale. Non. Si on doit parler en quantité, j'ai plutôt eu l'impression de 200. D'accord. De 200 secteurs. Et dans ces secteurs, quand tu rentres, t'as une map. Comment on peut comparer ça avec un autre MMO Freelancer, par exemple. Pour ceux qui connaissent Freelancer, si on prend le système Omicron Theta, ça c'est un secteur. Et quand on rentre dedans, il y a plusieurs zones dans la carte. D'accord. Je ne connais pas Freelancer. Je ne me rappelle pas des maps. Est-ce que tu veux dire, tu es dans une balade, il y a beaucoup plus de monde qui connaît sur la map, tu auras astéroïde A ici, astéroïde B oui, là, par exemple, voilà. C et jump gate là. Voilà. D'accord, je comprends plus. Ok, alors, je vois. Ouais, d'accord. Donc maintenant, ça fait. D'accord. Donc pour moi, pour passer d'une zone à une autre, c'est-à-dire c'est sur une seule map, c'est sur une même map, c'est en combustion, quoi. C'est, oui. Voilà. Et si on prend une jump gate, on passe sur un nouveau secteur. C'est ça. Et donc il y aura des secteurs contrôlés par des nations, par défaut, des secteurs neutres. Oui, d'accord. Ça, c'est les zones PVE. Enfin, PVE, oui, PVP, ça dépend. Et ces zones neutres, justement, ces secteurs ne seront pas entièrement contrôlés. Ça sera des petites zones dans la map, donc genre l'astéroïde B ou la station C, qui pourront être contrôlées. Bah, ce que j'avais compris, c'était plutôt que tu contrôlais la zone entière. La zone entière. La map entière. Ah, mais ça, c'est bien, justement. Tu avais un endroit de la zone où tu pouvais, genre, capturer le drapeau ou bien donc ça sera représenté dans le jeu. Et une fois que tu as capturé ça, la map entière est à ta nation. Ah, ça peut être sympa, du coup. Parce que, du coup, chacun qui appuie sur sa touche pour faire apparaître la map verrait que le secteur qui normalement est neutre est contrôlé par l'ennemi. Exactement. C'est pas mal du tout. Exactement. Je pense que ça va faire plaisir à plus. C'est ça que quand tu t'apprêtes à aller dans cette map là, en passant la jump gate, tu seras un peu fébrile. Parce que tu te diras, oh ça y est, j'entre dans un secteur Solrein. Ah ben, ça devient tendu du slip. Hein. On reste soft. Nash qui dit qu'il entend une rumeur selon laquelle il faudrait unlock les zones par des prises PVP jusqu'à arriver à gagner la guerre. C'est intéressant ça. Il rajoute, ce n'est pas sans rappeler Warhammer Online. Lance Robertson, voilà, on a vite fait l'amalgame. Il a été producteur sur Warhammer Online. C'est une rumeur, hein, il le précise bien. Ouais, ouais. Mais c'est une rumeur intéressante. Et vu que c'est une rumeur, je pourrais pas dire quoi que ce soit dessus. Mais c'est bien sûr, Lance, Warhammer Online, ça m'étonnerait pas qu'ils récupèrent des choses qui ont marché sur Warhammer Online pour les intégrer sur Jump Gate. Ce serait pas idiot de toute façon. Bien sûr. Hein. Tu crées pas un jeu en disant alors je vais créer mon jeu pour qu'il ne plaise pas à un maximum de monde. C'est ça. Non mais c'est super bien pensé quand même le système de Warhammer Online. Tu contrôlais peu à peu la map et ensuite tu pouvais attaquer. Enfin, ça c'était vraiment bien. Donc si on avait un système un peu similaire dans Jump Gate, pourquoi pas, avec des contrôles de zone, ça serait sympa. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu captures une zone et. Seulement une fois que tu l'as capturé, tu peux accéder à la prochaine. Tu peux accéder à une zone spéciale. Ça serait pas. Il y avait eu une information comme ça à l'époque qui avait été donnée. Par exemple, une jump gate rouge qu'on pouvait prendre et on atterrirait chez les pirates. Enfin, dans une zone. Je sais plus. Alors, je sais plus du tout comment ça avait été formulé. Une anomalie un peu spéciale. Une anomalie, oui, qui permettait. Voilà, ce genre de choses. Bah, à mon avis, c'est très facile de le mettre. Et s'il y avait des extensions, ce serait le genre typique de truc qui serait... Ah bah oui, tout à fait, oui. Alors attention, hein, là on fait qu'en parler entre nous. Ne prenez pas tout au pied net. C'est des suppositions, on parle de ce qui pourrait être bien pour ce jeu, quoi. Donc on a répondu tout à l'heure à une question de CETIX sur les compétences. Il n'y a pas d'arbre de talent. Hein, c'est du... enfin, pour l'instant, ça reste toujours prévu par de l'équipement. Bah voilà, c'est les compétences du joueur qui sont primordiales et l'équipement dont tu te sers. Voilà, donc du PEX. De ce que j'ai vu sur la vidéo d'ailleurs, le système de PEXage, de montée de leveling est changé. Après on parle d'arbre de compétences, c'est plutôt arbre de vaisseau. Tu vois, quel type de vaisseau tu contrôles. Oui, ça joue aussi. Mais tu vas pas aller mettre de points dans tes boucliers, plus 2, bonus force. Ça sera pas comme ça. Voilà. Ça sera, tu achètes un nouveau bouclier qui te donne telle statistique. Ah, ou... voilà. C'est ça. Donc, quelque part, alors, ça enlève certaines fonctions d'un MMORPG classique, mais ça ne pourrit pas le jeu, je pense. Hein. C'est différent de faire les choses. L'optimisation se fait sur l'équipement. Ouais. Et quand vous ne pouvez plus optimiser votre équipement, bah, vous n'avez qu'à vous améliorer au pilotage. C'est beaucoup plus flexible, j'ai envie de dire. Parce que oui. Si par exemple tu dépenses tes points dans une compétence, tu ne peux pas les récupérer après coup. Alors que là, dans Junket, si c'est juste l'inventaire, bah, tout ce qui te reste à faire, c'est de vendre ton moteur ou ton bouclier, de le remplacer par un autre. Ou de ne pas le remplacer du tout, puis de se laisser dériver dans l'espace en espérant trouver quelqu'un. Et le pire, c'est que tu peux, limite, si tu as envie de changer complètement ton vaisseau. On est d'accord. Tu vends tout, tu l'équipes avec d'autres choses. Mm. Alors que si c'était sous la forme d'un arbre classique, bah, une fois que tu as dépensé tes points, tu ne peux pas revenir en arrière. Enfin, à moins de créer un nouveau personnage, ou à moins que ce soit un jeu qui permette des respécifications. Oui. Mais là, Junket, ce ne sera pas ce modèle-là. Donc, c'est bien. On espère quand même que ça sera pas un jeu basique que combat où il n'y a rien à faire à côté, ce qui je pense enlèverait beaucoup de membres. Ça empêchera pas les joueurs de vouloir le tester pour voir ce qu'il donne, mais sur le long terme il gardera pas un gros public s'il y a que cette phase de combat. Ça c'est pas que ça sera pas bien, mais il y en a beaucoup qui attendent plus. Donc faut le dire, 2011 va être une année de sortie de MMO assez importante. Absolument. Jumpgate a du souci à se faire s'ils mettent pas un minimum de contenu dans leur jeu. Il y a beaucoup de concurrence, c'est sûr qu'ils vont devoir venir avec une grosse annonce. Mmh, tout à fait. Donc bon. Des exclus, on a fini avec... Là c'est une question. C'est une question qui a été posée sur le forum. Oui. Il y avait beaucoup de choses. Bah, sur les attentes des joueurs de l'E3, alors je vais reprendre le topic. On avait fait une petite liste de ce que les joueurs attendaient à l'E3. Tout n'a pas. Notamment les dates en fait. On les attend depuis longtemps. Hein. C'est vrai que NetDeville est très prudent. Ah, beaucoup de nouveaux screenshots par contre. Ouais. Belle reprise de la communication de la part de NetDeville. C'est déjà important. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on leur demandait, donc voilà, ils viennent avec des nouvelles choses. La page de propagande octavienne, la vidéo d'introduction qui est impressionnante, des vidéos de gameplay, la presse qui a vu Junket à l'E3. Ça a l'air de reprendre quand même. Après, il faut, je pense, que ça soit plus proche du joueur. Là, la presse l'a vu, c'est bien parce qu'ils donnent leurs impressions, mais ce qui est important pour le joueur, c'est son impression à lui. Est-ce que le jeu lui plaît ? Comment est le feeling quand il est au contrôle de son vaisseau ? Comment est le son ? Comment est la musique ? Tu vois, c'est des éléments qui ne seront pas facilement mis en avant, mis en valeur. Dans une interview ou dans un article rédigé par. C'est dommage, hein, c'est des choses qui. Enfin, moi, comme je vous le répète après avoir vu les vidéos de tout à l'heure, finalement, ça a son impact. Ouais, complètement. Ça, on ne le voit pas quand on regarde une vidéo qui nous présente sur. C'est beaucoup moins immersif. Exactement. YouTube, bon, bah, ça te donne un aperçu, mais c'est pas sur ton écran 19 pouces, en plein écran, tu vois, avec le son à fond, non, c'est pas la même chose. Donc, patientons. Faudrait pas, par contre. C'est un bon début. C'est un bon début. Par rapport à ce qu'on a eu les derniers mois. Là, ils reprennent les questions and answers, hein, en plus. Ouais. J'ai vu ça. C'est la dernière chose que j'ai vue. Donc, oui, je ne suis plus l'actu. Hein, mais la dernière chose que j'ai vue, c'est qu'ils reprennent. Ils reprennent les Q&A avec Lance. Voilà. Donc, espérons qu'il ne va pas nous la faire à la Herman. C'est-à-dire 15 pages pour dire. De bah, finalement, je peux rien vous dire. Ah. C'est vrai que ça, c'est Herman s'est dédoué quand même pour nous raconter sa vie. Ouais. Pour répondre aux questions. C'était autre chose. Donc, si le système est remis en place, c'est Lance qui répondra aux questions. D'accord. Et Rockjo, là-dedans, il intervient pas du tout. C'est lui qui va s'occuper de la partie technique et administrative derrière, parce qu'il va passer par YouTube. Posez vos questions sur YouTube. Ah oui. Ouais, c'est un peu différent, en fait. D'accord. Ah ouais. Ah tiens, c'est marrant comme système. Enfin, limite, nouveau Jumpgate, nouveau fonctionnement, pourquoi pas. Hein, on peut dire ça. Que ça sera... La communauté française sera avertie des réponses. Je serai là pour traduire. D'accord. Je pense que de toute façon, dans le doute où il y aurait des réponses à la Herman, traduire l'essentiel, c'est pas besoin peut-être de traduire tout le pavé, quoi. Non, l'essentiel non. Du message, c'est vrai. Ça fera moins de boulot. Des informations fera... éventuellement avec des, tu vois, des bullet points, enfin vraiment le résumé, quoi. Les informations importantes qu'il ne fallait pas raser cette semaine. Waouh! Eh ben, je commence à faire des traits sur le mur. On approche de la fin de ce podcast après une, heure de, une bonne heure de discussion qui ne d'accord. sera pas coupée. Non, je n'ai pas le détail. On doit être à une heure et quart. Ouais, d'accord, c'est sympa. On ne vous dévoile pas toutes les surprises, évidemment. On en garde un peu dans nos poches pour faire la méthode net de ville, c'est-à-dire tenir sur la longueur. Sinon, demain, vous aurez toutes les informations. Puis après, après-demain, vous en demanderez d'autres, mais on n'aura plus rien à vous donner. C'est ça. Donc, une surprise, une bonne surprise sur Skynet. Non, vas-y, vas-y. Non, mais c'était une petite blague. D'accord. Une bonne surprise sur Skynet à venir prochainement. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Un léger changement dans le staff. De la communication sur le forum officiel à suivre, animé par les émissaires et Mathias. Donc. Quelques screenshots qui sortent ici et là. Espérons qu'ils ne vont pas juste nous tenir avec ça, par contre, sur la durée. C'est déjà intéressant de voir des screenshots avec les sommaires, par exemple, qui nous font parler. Tu vois, ça pose des questions, c'est intéressant. C'est... Ils nous manipulent, en fait. On est dans un monde de parano. Ils nous manipulent. Non, mais par exemple, les tirs laser des vaisseaux capitaux, c'est la première fois qu'on voit ça. Oui, dans toutes les autres vidéos, on n'en a pas vu. Et là, on voit deux trucs nouveaux d'un seul coup. Le fameux grand screenshot là, qui ferait un espèce de poster magnifique. Là. Celui-ci, génial, même sans jouer au jeu, j'aimerais l'avoir. Quoi. Ah, mais il ouais, est ouais, très coloré, mais c'est une bataille épique. Alors, c'est quoi ? C'est un screenshot de jeu qui a été fait réellement ? C'est ou... pas un screenshot, c'est un artwork. Ah, c'est donc, un artwork. C'est un concept d'accord. art. C'est vraiment c'est l'objectif qu'il voudrait avoir dans le jeu final. Ah bah c'est bien, parce que si c'est ça, franchement... rien que pour ça, il faut aller le tester, quoi. Ah ouais. Rien que pour ça, je pense. Alors, d'accord. Si vous voulez voir ce screenshot, le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site US de Jumpgate Evolution, parce qu'ils l'ont mis en arrière-plan. Et l'habillage du forum. Voilà, l'habillage du forum, c'est ça. Donc, vous l'avez pas en entier, mais en cherchant sur plein d'autres sites, vous le voyez en entier, voilà. Il est magnifique. Je crois qu'on le voit d'ailleurs dans le hall d'entrée des studios de Netdeville. Ouais. Et il est grand, hein, il doit faire 1 mètre sur 40 cm de haut. Même. Ah ouais. Et il est vraiment impressionnant, quoi. C'est un bon gros poster. Ah ouais. Moi, je pense qu'il mesure facile 2 mètres sur 1 mètre. Je m'avancerai pas, mais il est grand. Et il est très, très grand, très beau. Oui, c'est impressionnant. Donc, ce genre de screenshot, on en raffole par contre. Ouais. Ouais. Ouais. On nous a trouvé aussi, et je crois que c'est Ramsès qui nous dégote des petits screenshots, notamment sur comment équiper des. La manière d'équiper des. D'accord, donc l'interface. L'interface, oui, sur l'interface. Sympa. Donc je vais vous le trouver. Il se trouve donc dans la taverne spatiale écrit, dans la conversation screenshot le nouveau JGE. Donc voilà, c'est celui-ci. Où on voit, alors ça doit être des minerais. Me rapprocher un petit peu. Ah, mais alors ça, tu vois, je peux déjà confirmer que c'est une ancienne version. C'est une ancienne version d'interface. Interface. Ouais. Ah bah écoute, il va être déçu. Ils vont être déçus ceux qui. Non, non, mais attends, je crois bien. Attends, ouais, ouais, le câble du micro. C'est du direct. Les soucis techniques vont avec. C'est une ancienne version de l'interface, celui. Donc, je vous rappelle le chemin. Taverne spatiale écrit. Attends, topic, screenshot, le nouveau JGE. Descends un peu. Non, en fait, ils ont cru que les autres ont cru que c'était un screenshot de Black Prophecy, mais non, c'est un screenshot de Jumpgate. Screenshot de Jumpgate. Ce sont des vaisseaux solarins avec la mention T à côté. D'accord. C'est juste que ça me rappelle une ancienne version que j'avais testée quand le jeu était il y a longtemps. Il y en a un deuxième un peu plus loin, je sais pas si... Ah si, ah, voilà, avec une Jumpgate rouge. Ouais, l'anomalie rouge. Donc ce screenshot-là, c'est le nouveau ou l'ancien Jumpgate ? Ça, c'est l'ancien. C'est l'ancien Jumpgate. Ouais. Parce que tu vois, en les haut, d'énergie. Les barres d'énergie et d'armure et le boost sont pas du tout là où elles sont maintenant. D'accord. Maintenant, c'est au centre de l'image, en forme de cercle. Ouais. Pareil pour le radar, ça a changé. Enfin, D'accord. C'est pas ça. Ben, Ramsès, désolé, mais là, tu fais chou blanc. Enfin, c'est pas mal de les ressortir, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Enfin, ça donne un... C'est toujours la même patte, un peu. Hein, tu vois, on voit que c'est un MMO spatial, science-fiction, ainsi de suite. Mais... Ah bah oui, non. Il faut quand même garder le thème général. En tout cas, bon, on arrive à la fin du podcast. Moi, il y a une chose que je tenais à faire, c'est que comme du coup, je vais être beaucoup moins actif sur Skynet, je vais être plutôt dans les coulisses. fait un dernier rire. C'est... Yes, bon, il... voilà, il est pas gros celui-là, mais je pense que de toute façon, ceux qui veulent le... Vous savez où le trouver si... Oui, oui. Un épisode... Et rire long, on en a plein nos placards. Les BTR en ont en archive. C'est ça, donc il n'y a pas de problème. Donc je tenais à remercier en fait toutes les personnes qui ont contribué aux différents projets communautaires. C'est très important. Ça fait plus de 2 ans qu'on suit le jeu avec impatience. Malgré des pertes de membres de la communauté, beaucoup ont tenu jusque là. Donc voilà, ça fait plaisir. Ouais, je remercie chaleureusement et... Mais voilà, merci à eux. Super moment quand même. Même si c'est plus mon cas, comme je vous dis, je reste dans les coulisses. Et puis, c'est pas, je suis pas mort, hein, faut pas pleurer, être triste, quoi que ce soit. Je ne suis plus Jumpgate. Je suis ailleurs. Et puis voilà, quoi. Je suis son cours. Beaucoup de Phoenixiens suivent le mouvement et avec enthousiasme. Et j'en suis content aussi. Ouais. Donc, je tenais à remercier Dryana pour la création de la FDA il y a 2 ans. Qui a réuni beaucoup de monde et qui a fait qui était l'impulsion de départ, voilà, le Big Bang de la communauté JGE, le post-shift de la communauté. Oula, post-shift, fallait le placer là. Ouais, ouais. Bah tu vois, on n'a pas eu cette liste de 5 mots qu'il fallait placer dans non le... Je l'ai fait une fois, mais vu que les prochains podcasts je vais être là juste pour faire chier le monde, donc tu sauras que la liste de mots imprononçables, c'est moi qui vais me la manger. Non, tu vas nous la donner. Ah vas... ouais, et d'accord. D'accord. Alors, je préparais des petits trucs. Les coulisses. Je serais vraiment le gars qu'on voit pas mais qui fait chier tout le monde. Et qui est derrière le rideau. Ouais, voilà, qui tient les ficelles. Bah, d'accord. Le puppet master. Ah, ok, ouais, avec les ficelles, d'accord. Je suis un pantin en fait. Non, tu es le gars qui dirige. Ah bon. Oh, non, yes, je me contrôle, je me contrôle. Non, parce que du coup, maintenant, je sais que c'est exploité, ça. Donc, j'essaye de me retenir. Merci aussi à tous les membres de la FDA de l'époque qui ont tenu bon et qui ont apporté beaucoup au groupe, même si maintenant, ils sont plus là. Ils reviendront peut-être. Merci à Néo et à Jaco pour la reprise de Skynet, tout le travail effectué sur le site. Donc là, je pense que le bébé est bien rodé. Hein. Il tourne pas à plein régime parce qu'il lui manque le jeu, mais la communauté le fait bien vivre. Ça pourrait être mieux en ranimant. Super sympa. Oui. Ah, ben... design, Oui. Il y a un super beau travail derrière. Voilà. Par rapport aux vidéos que j'ai vues, ouais, on est quand même vachement bon sur Skynet parce qu'on a les mêmes couleurs que la page de login du jeu. Ouais. Ça, c'est quand même énorme. C'est violet. Oh, une autre exclue. Oh là, ça n'arrête pas. C'est un arrière-plan violet, donc je pense que ça doit faire partie d'un des screenshots. On doit avoir un... C'est du in-game. C'est du... Ce que tu voyais dans le login, enfin l'écran de login, derrière, c'est du in-game. Oui, voilà, ouais. C'est la zone, comme si tu étais en vue première personne sans l'interface, et tu balades dans la zone. Mais c'est ça, je pense que justement, on doit avoir 2-3 aperçus sur des screenshots. Ouais. Je pourrais vous montrer, si vraiment vous voulez avoir un aperçu de cette page de login, vous trouvez les screenshots qui s'en rapprochent le plus, en fait, si certains le demandent. Ouais, maintenant que tu l'as proposé, ils vont te demander, hein, ça c'est sûr. On verra bien. Faut attendre de voir, comme ça prouvera qu'il y a au moins une personne qui a écouté le podcast. Utilisez les fonctions sur la page d'accueil, il y a un onglet et un... Envoyez une question. Envoyez un mail au staff. C'est à ça que ça sert. N'utilisez pas pour le moment la fonction news, parce que bon, il va y avoir quelques petites modifications pour ça. Donc Néo, ouais, très gros travail qu'il a effectué sur le site. Donc là, on a quelque chose qui marche bien. Qui est fonctionnel. Les seuls bugs qu'on a sont en fait en arrière-plan, sont pour le staff, donc ça gêne personne d'autre. Sans en coulisses, ouais. On a quelques petits bugs en coulisses, mais c'est pour ça que tu vas en coulisses. Moi, essayer de m'en occuper avec Néo. Merci au staff de Skynet qui est là, qui fait des choses. Tout ça, les Phoenixiens avec qui j'ai passé des bons moments, des durs moments d'attente, mais oui, j'y viens. En crescendo. D'accord. Pas le placer celui-là. Tu m'en mettras un comme ça. Donc avec qui j'ai passé et je passe encore de très bons moments, malgré la décision qu'on a prise récemment. Merci à toi, Mathias. Après, avec qui il y a eu une longue histoire d'amitié qui s'est forgée. Et j'en suis très content, parce que ça fait donc plus de 2 ans qu'on commencer. Il a faim, il a faim. Ça fait plus de 2 ans qu'on s'est côtoyé. Au départ, c'était professionnel par rapport à Jumpgate, puis ça a dérivé vers l'amitié. Sinon, tu serais pas là ce soir. Bah ouais. Hein. Donc, j'ai quand même tapé pas mal de kilomètres pour aller en Vendée et te rendre visite. Les retards du train, enfin. Ouais. Une autre aventure, mais on en parlera. Qui n'est pas Jumpgate. Les. Du train qui était capturé par les Solrennes. Ouais. Merci aussi au BTR, la borne Tour Recycle, l'escouade Kantar, qui fait beaucoup sur Skynet, beaucoup à côté. Les épisodes de la Terre spatiale, c'est eux principalement qui les animent. Ils sont géniaux en plus à écouter, donc ils sont déjantés. Les épisodes sont déjantés, les BTR sont déjantés. Ils l'assument, c'est parfait, tout va bien. Et ils font beaucoup pour Skynet et pour la communauté, donc merci à eux. Continuez les gars, et surtout restez soudés, restez groupés, c'est le plus important. Merci aussi à toutes les personnes qui ont collaboré aux différents projets, en s'impliquant de différentes manières, que ce soit pour les podcasts, les concours, les sites, les escouades, tout ce genre de choses. Donc voilà, je tenais à faire ce remerciement parce que moi ça m'a beaucoup aidé dans toute l'aventure, j'ai pas été tout seul à faire tout ça. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. J'ai été mis en avant parce que sur la communication c'était moi, mais j'ai pas fait tout ça tout seul. Donc merci à tout ce monde, toutes ces personnes là. Voilà, c'était le podcast épisode 6. Jolie note d'émotion à la fin. En direct. Une petite larme. Tu fais la voix off là. Non, j'ai pas la larme, mais c'est vrai que on a construit quelque chose. Je l'abandonne pas totalement, mais c'est vrai que ça ne me motive plus à l'heure actuelle. Quoi. Non, mais bon. Voilà, au moins, c'est clair, je l'assume. C'est avec tristesse que nous voyons te retirer en coulisses avec le rideau qui se ferme derrière. Arrête, parce que finalement, tu vas finir par me faire quelque chose. Voilà, ça c'est fait. Non, mais ouais. Bon. Ça a été un vrai plaisir. Page qui tourne, et puis qui sait où on sera demain, hein, ou quand Jumpgate sera là. De toute façon, le site continuera d'exister, donc ça ne change rien pour cette communauté. Mm. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Oui, malgré les moments déjantés, les tout sages de ma part. Grâce, justement pour les moments déjantés. Donc, véridique, hein, il n'y aura pas de coupure, je ne vais pas en faire une seule. D'accord. Ça va être mis tel quel. Donc, encore une fois, désolé à vous tous pour s'il y a des choses qui vous gênent, qui vous bloquent, les blancs, les toussements, les soucis techniques, les échos, les retours, parce qu'on est dans la même pièce avec deux micros, on n'a pas pu faire mieux, sinon il faudrait investir dans un vrai gros micro. T'as eu beaucoup de retours dans ton cas? Je sais pas, mais ça s'entendra peut-être lors de l'édition. On verra bien. Enfin, c'est plus les auditeurs qui peuvent être gênés, je sais pas. Ouais. Non, mais je vais quand même tout écouter. Si vraiment il y a quelque chose, j'essaye d'atténuer. Mais je vais pas couper, quoi. C'est surtout ça, je vais éviter. D'accord. Et puis mettre la musique de fond. Merci Mathias d'être venu. Merci Mathias. D'avoir fait ce podcast avec moi. C'était mon dernier podcast en tant qu'animateur, en tout cas, ça c'est sûr. Les prochains, je serai juste intervenant. D'accord. Voilà. Donc. Merci Bounia. Je t'en prie. Des très bons moments, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et puis voilà. On va pas tarder à arrêter avant que je commence à. J'ai la voix qui tremble, tout ça. Hein. Merci aux auditeurs, encore une fois. Continuez à vivre et à faire vivre Skynet, c'est important. Ne partez pas parce que nous on est partis. Prenez vos décisions en fonction de vos ressentis, de vos propres ressentis. Voilà. Bonne soirée à tous et on vous laisse ici. Avec le petit jingle de Skynet. À bientôt les gars. Salut. Salut.